Bonjour et bienvenue à présent à un troisième enregistrement que j'effectue en compagnie de Mona et il me fait plaisir de nouveau de la recevoir dans le cadre d'une entrevue. Alors, bonjour Mona, ça va bien? Oui, bonjour David. Oui, super bien. Excellent. Donc, pour entamer la conversation aujourd'hui entre nous, j'aimerais savoir qu'est-ce que la culpabilité? Tu veux une définition right now? Attends un peu, là. Quand, sinon maintenant, ou sinon ici? La culpabilité. La culpabilité, c'est une émotion, premièrement. Il faut comprendre, commencer une petite nuance entre une émotion et un sentiment éventuellement. Mais la culpabilité, c'est une émotion qui est très, très bloquante, involutive. OK. C'est une des plus grands mécanismes astrales involutifs de la planète. Culpabilité. La culpabilité. Ça bloque l'humain, ça bloque tout son développement. Complètement. Quand on se sent coupable, qu'est-ce qu'on fait? Ben, ça nous sabote dans le mouvement, on est en perte d'énergie, de vitalité. On tourne en rond. On finit par développer même de l'obsession puis de la maladie mentale dans bien des cas. Oui, C'est quand on se sent coupable, hein? Ouais, exactement, parce que quelqu'un qui se sentirait coupable, ben, il peut être proie à un état de dépression, d'épuisement. Oui. Effectivement. Puis ce tournage en rond-là nous amène à tellement nous dévitaliser que là, ben, l'astral peut nous charrier puis on peut se faire posséder d'aplomb. Encore d'être traversé par l'astral, c'est une chose, mais d'être possédé par l'astral ou des entités astrales, on parle de maladies mentales là, qui se développent puis de psychose. Mais la question que je pourrais poser, c'est à quoi sert la culpabilité pour l'humain? Ben, c'est un petit peu ce que je te disais tout à l'heure, c'est que plus on se sent coupable. Tu as deux options là-dedans dans l'évolution. C'est ou tu écrases parce que tu n'es pas assez énergétiquement construit, ou tu finis par réaliser que la culpabilité, c'est de la merde. Et que là, ça commence à éveiller quoi? De la colère. On commence à avoir de la colère contre l'état de culpabilité. Pas de rage. Attention, la rage, c'est d'autres choses. Quand on est enragé, on tourne en rond, c'est la culpabilité qui revient de toute façon d'être enragé. En tout cas, c'est un cercle vicieux. Je ne sais pas si tu me suis, ça va vite en tabarouette. Oui, non, je te suis. C'est sûr que ce qui peut être intéressant, c'est de voir d'où est-ce que ça vient, la culpabilité. C'est une déviation d'une information qui est tombée dans le corps émotionnel, qui s'est frappée sur un mur dans le fond de l'astralité. J'en parlais avec Julie l'autre fois, puis c'était difficile pour nous de comprendre, mais moi, je poignais quelque chose d'intéressant. Quand on se sent coupable, humainement parlant, une fois qu'on est poigné dans l'état, on devrait être capable, si on a un petit peu d'intelligence, réaliser que ça veut dire quelque chose. Ça vient de notre contact. Il ne faut jamais oublier que tout est manipulé par en haut, de bien plus haut que l'astral. Donc, l'information est envoyée qu'il y a quelque chose qui est à corriger en bas étant nous l'humain, mettons. Puis, il faut corriger quelque chose, mais ça traverse l'astralité, tout le monde de l'astral, ça rentre dans l'humain, ça passe à travers le corps émotionnel, puis ça finit par une information déformée qui ressemble à « t'es donc pas bon, puis t'es donc con, puis t'es donc pourri, puis c'est pas ça qu'il faut faire », tu sais, ben, ça finit astralement en culpabilité. Mais ça veut dire un ajustement à apporter. C'est ça que ça veut dire. Il y a quelque chose à apporter. Oui, Donc, mais si on y va dans le concret, pour oui. Pas que les gens qui nous écoutent nous perdent, c'est que d'en haut, il peut avoir un comportement ajusté. Dans le sens. Non, mais oui. C'est une information hein, que je veux dire, David. Je me sens coupable. Ça m'est déjà arrivé. Je vais partir du jeu. Je déteste parler Okay. en jeu, là, mais je vais le faire. Okay. Je me sentais coupable plus jeune, mettons. Quand je sentais ça, au début, j'étais en crise, je tournais en rond, je suis venue gna, puis en bout de ligne, je suis venue déprimée, puis en bout de ligne, il n'y a rien qui a changé. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que quand je me mettais fâchée après ça, ça changeait un peu l'ambiance. J'ai commencé à me dire, ah, c'est intéressant, si j'ai de la colère, ça change la vibration. OK, je me sens moins coupable, mais il y a quand même un geste à poser. Est-ce que c'est ça que je dis? C'est que la culpabilité part de l'esprit. Vous appelez ça de l'esprit, moi j'appelle ça mon contact. Bon, ça descend, ça veut dire qu'il y a un ajustement à faire dans une attitude psychologique qui n'est pas bonne, qu'on n'arrive pas à faire, puis que ça finit qu'on se sent coupable. Mais si on monte la chaîne d'en bas vers le haut, parce qu'on est à la planète Terre, si on monte la chaîne d'en bas, ça veut dire moi je me sens coupable, pourquoi je me sens coupable, qu'est-ce qui est ajusté? Mais c'est pas Exact. ça qu'on fait, nous, l'humain, c'est qu'on se sent coupable, moi, ma mère a été pas fine, puis là, moi, je suis pas donc pas fine, puis là, tout le monde est pas fin, puis on se sent coupable, puis on tourne en rond. Mais il y a quelque chose à ajuster qu'on ne veut pas voir là-dedans. C'est ça que je dis dans la culpabilité. Il faudrait dire qu'il y a quelque chose à ajuster. Ben, derrière la culpabilité, mais il y a un traficotage astral qui va amener comme tu disais, une déformation, une interférence sur le chose à ajuster au lieu que ce soit comme objectif. C'est ça, Parce que mais moi, dans le concret, je vais juste te donner un exemple. parfait. Tu sais, Oui, je t'écoute. ça peut être, par exemple, je suis avec des gens, puis je parle fort en public. Fait que, dans le fond, l'information qui est ajustée, c'est qu'il faut que je parle un petit peu moins fort, surtout si je vais dans une bibliothèque ou un lieu public. Mais c'est pas que je suis un trou de cul parce que je parle fort. Ça, c'est de la culpabilité ou que je suis pas bon, puis je suis pas si. Tu sais, si je me réfléchis là-dedans, puis je culpabilise, là, je me fais astraliser. Tandis que si je fais juste m'ajuster, OK, j'ai à moins parler fort, ben je parle moins fort, mais je me dévalorise pas pour autant. Ouais, mais là, il te manque un. Ça, c'est un gars qui réalise quelque chose, mais il manque une étape à ta démarche. Vas-y. Là, ça vient de descendre, puis j'essaie de m'en rappeler. Moi, je pars du fait que. On parlait de psychologie évolutionnaire, c'est là que pour moi ça se passe. Tu es dans le sens, tu es dans l'émotion de la culpabilité. Mettons que tu vis ça, là. Oui. Présent. Quand tu es dedans, ça donne rien. Une fois qu'on se sent coupable, c'est dur d'avoir de savoir qu'est-ce qui est à ajuster, mais on peut savoir que quand on sent ça, que c'est quelque chose à ajuster, puis on n'écoute plus le reste du propos. Je sais pas si tu saisis l'idée. Parce qu'on est trop dans Toi, l'émotion pour la regarder froidement puis ben c'est objectivement. ça, OK. exactement. Parce que là, toi, tu parles comme quelqu'un qui a déjà compris à quoi la culpabilité. Tu as nettoyé la situation, mais quelqu'un qui vit de la culpabilité puis qui est pogné dans le loop, là. Il fait quoi avec ça, là, concrètement? Ben, il n'y a rien qu'à comprendre que c'est un loop, puis qu'il y a quelque chose à ajuster, puis qu'il faut juste prendre un peu de recul face à ça, puis que c'est pas important, la culpabilité. C'est qu'il y a quelque chose à ajuster qu'on ne voit pas pour l'instant. Moi, pour moi, c'est la première étape. Après, on monte en énergie, puis on finit par bloquer tout ça autrement. Mais au début, moi, je parle vraiment du début, là. C'est de quelqu'un qui vit ça, la culpabilité. La façon dont je le capte, c'est que la culpabilité, c'est comme une espèce de loop, c'est-à-dire une boucle de réflexion dans laquelle quelqu'un peut s'enliser. Tandis que si la personne va contester justement, mettons, la pensée qui est derrière l'état de culpabilité pour regarder qu'est-ce qui se passe objectivement et qu'est-ce qu'elle a à faire, bien là, elle peut sortir de ça, mais ça prend une énergie de contestation pour qu'il y ait une modification de l'état psychique. Oui, puis il faut contester la bonne affaire. C'est pour ça que je dis c'est touché la culpabilité parce que je vois beaucoup de gens choqués après ce qui est rend coupable. Ça donne strictement rien. Tu nourris la culpabilité, là. Un exemple concret, Oui. attends, mettons que je me sens coupable, attends, ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé d'être coupable dernièrement, je m'en libère beaucoup, je dirais depuis 2 ans. Hein. Mais quand je me sentais coupable, j'attaquais ce qui me culpabilisait. Mettons que je me sens moi, c'est de la médiocrité. Je me sentais toujours, c'était toujours le sentiment que je ne suis pas correct. Je n'étais jamais OK. correct. Fait que je me sentais coupable d'être jamais correct. Mais tant que je m'attaquais à ça, si je suis tannée de pas être correct, puis je ne me sens pas correct, je nourrissais la culpabilité. Là. Oui, dans le C'est pas. sens que tu le réfléchissais en jeu pour l'amplifier en termes de mouvement. Ou j'accuse quelque chose, ou je le répète en jeu, comme tu le dis si bien, c'est très bien dit, ou j'accuse quelqu'un d'autre de me rendre coupable. Ah, c'est ma mère qui ne veut pas comprendre quelque chose. Ah, c'est mon père qui n'a rien compris. Là, tu es dans la marde. Tu penses que tu t'en sors quand tu fais ça, mais tu ne te sors de rien. Tu fais rien que nourrir la marde. Tu fais encore plus de caca. Non, non, mais c'est ça devient un enlisement à ce moment-là dans l'énergie de la culpabilité. C'est ça. Fait que c'est pour ça que je dis, faut pas réagir à la culpabilité. Il faut juste comprendre qu'il y a quelque chose à corriger, puis prendre un peu de recul, parce que ça vient pas de même. Tant que tu es dans l'état de culpabilité, tu sais pas qu'est-ce qui est ajusté. Tu sais, mettons, moi, mes parents, mon père me culpabilisait d'avoir quitté la famille, ma mère étant malade mentale, j'étais donc pas fine d'avoir quitté la famille. Ben, à un moment donné, il a fallu que je dise à mes parents, ben moi, c'est votre choix de rester, c'est ma mère m'a mis au monde, mais je suis pas la mère de ma mère. Puis toi, mon père, c'est ton rôle, soit de divorcer ou de la placer ou de la garder. C'est pas mon rôle de prendre soin de ma mère aujourd'hui. Mais je l'ai dit froidement, sans haine, sans guerre, sans conflit. Puis ça a pris des années avant de l'articuler comme ça. Et ça a été fini. Non, je comprends. Tu l'as dit d'une manière objective, sans attaquer personne, puis à chercher à dominer, là. C'est ça, mais ça m'a pris des années, David, à rentrer là-dedans. Ça m'a pris des années à comprendre qu'il fallait que j'arrête de combattre ma culpabilité, que j'arrête de me sentir mal là-dedans, qu'après ça, que j'arrête d'accuser mes parents de m'accuser, parce qu'eux autres m'accusent. On répond, on s'accuse, là. Tout le monde s'accuse. Youpi, on s'accuse tout le monde. En bout de ligne, c'est rien que tout cela. C'est prends ta place. Puis ta place. Mona, mettons, à l'époque, c'était de quitter la famille pour ne pas devenir folle. Quand je l'ai dit de même, j'ai dit, moi, j'ai dû vous quitter pour être sûre de garder ma santé mentale. C'est tout. Je me suis choisie au lieu de vous autres. Ben oui. Puis, il n'y a plus eu de guerre, c'était fini, la paix avec ma soeur, tout le monde est devenu bien relax, puis mon père était super cool après. Ça a été terminé, cette guerre-là de culpabilité. Fait que c'est pour ça que je dis, c'est un message, il y a un ajustement à faire quand on se sent coupable, mais c'est pas nécessairement comment on le vit au moment où ça se passe. C'est vraiment intéressant pour ça. Mais c'est une démarche. Ouais, ben c'est sûr que ça demande, dans certains cas, de prendre du recul, là. Ben, c'est la première étape, reculer. Parce que là, ça veut dire que tu as le nez collé dans l'arbre. Fait que on est manipulé par ces états-là, mais ça, c'est ça, le recul. J'ai rien à ajouter de plus. C'est vraiment l'étape de reculer, puis d'attendre de voir que ça se refroidit. Il faut refroidir. Hein? On échauffe un peu les humains. Au niveau astral, on se fait réchauffer facilement, que je dis. Il faut reculer, prendre un peu de recul, refroidir, puis amener l'information descend correctement. Ou elle peut passer correctement, parce qu'elle descend toujours l'information. Ben c'est ça, Mais. mais on peut amener le double à nous parler correctement, le contestant, moindrement qu'on voit qu'il cherche à nous faire vibrer émotivement. Ouais, ben là, on va tomber dans la colère. Oui, mais tout est interrelié. Fait que c'est sûr que c'est intéressant de faire le lien justement avec l'état de colère, de contestation qu'une personne peut vivre versus l'état de culpabilité qui peut être subi là, si la personne est passive. Oui, puis dans la culpabilité, bien souvent, il y a un règlement de compte qui rentre, il y a une guerre qui s'enclenche, il y a de la rage qui est vécue, il y a de l'accusation, puis tout ça, c'est des énergies qui nourrissent l'astral à fond de la caisse. Donc, c'est vraiment pas une solution d'aller vers ça, mais on peut pas vouloir ne pas le faire. Je ne sais pas si tu saisis l'idée. Même si on le parle là présentement, puis que les gens Ouais. essayent de l'appliquer, il y a du monde qui va être capable, il y en a d'autres qui ne seront pas. Ben, Parce que. tout est reçu selon la forme du récipient, là. Tous les gens ne sont pas au même niveau d'évolution. Exact. Au même niveau de compréhension de ça, puis d'intégration. Puis, comme disait un de mes amis, il y en a qui ont des petites batteries, puis il y en a qui ont des grosses batteries. Fait que, il y en a qui ont plus d'énergie que d'autres aussi. Exact. C'est drôle, ça me fait dévier sur un sujet que je trouverais intéressant aussi d'aborder. Parce que des fois, j'entends ça souvent. Les gens parlent d'équité, d'équitabilité, d'égalité. Oui. On est égal en tant qu'humain, c'est sûr, mais on n'est pas égal en énergie. Ça, c'est pas vrai. Il y a Oui. une hiérarchie au niveau énergétique, qu'on le veuille ou pas. Il y a du monde plus énergique que nous, plus énergisé que nous, plus évolué que nous aussi. Exact. De plus, fait que, tu sais, c'est pas vrai qu'on est tous égaux. Puis des fois, je trouve que dans. Bon, en tout cas, moi, je m'arrête là, parce que ça me Non, dit non, non, d'arrêter. c'est correct, c'est intéressant parce qu'on peut passer d'un sujet à l'autre. Moi, je suis le mouvement avec toi. Mais c'est sûr qu'il peut y avoir une forme de nivellement vers le bas social en disant ah, tout le monde sont égales. Ouais. Mais pas rien que dans le social, je vois ça beaucoup dans le milieu supramental aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont tendance à ne pas reconnaître de l'autre quelque chose qui est bien, ou qui a de l'allure, ou qui a de l'énergie. Je ne dis pas de tout le monde, mais c'est encore là, tu sais, on a encore du travail à faire. Même moi, des fois, je regarde, moi, je m'observe, la force que j'ai, c'est que j'ai toujours un petit regard sur mon ego, là. Et des fois, je le vois, là, il y a un petit peu de jalousie, un petit peu de compétition. C'est pas réglé totalement chez tout le monde non plus. Il faut checker ça, c'est important. Comment reconnaître l'intelligence chez l'autre si on ne se reconnaît pas nous-mêmes? Ça, c'est important aussi. T'sais. Parce que Exact. je trouve que parfois dans les rencontres de groupe, les gens ne connaissent pas l'intelligence de l'autre, mais si tu ne reconnais pas ta propre intelligence, tu ne verras jamais l'intelligence de quelqu'un d'autre. Exactement, parce que le semblable ne peut qu'être connu que par le semblable. Bien dit. Rendu là, on termine l'entrevue. Je blague. Non, non, mais C'est c'est comme tu veux. bien. C'est sûr que je n'ai pas inventé cette phrase-là, là. Elle vient du philosophe jovialiste André Moreau. Mais le principe derrière ça, c'est que pour reconnaître quelqu'un qui a une conscience vibratoire, il faut soi-même en avoir une, parce qu'en soi, on ne peut pas capter la vibration. Exact. Exactement. Exact. Puis c'est une vibration, tu sais. Mais je trouve ça intéressant de voir que. Dernièrement, je suis allée dans un groupe là, de gens avec toi puis d'autres personnes, puis je trouve ça. Moi, ça fait 25 ans que je fuis les groupes. C'est la première fois que je suis capable de rester d'un groupe. Bon, ben on a réussi à changer ta perception. Ou vous avez quelque chose qui a changé chez Mona et chez les autres? Il y a une vibration différente, c'est ça. Je dis, j'ai pas senti de jugement. J'ai côtoyé des milieux, trop de jugement, trop de comparaison. Je le vibrais, ça, je le sentais tout le temps, cette attitude. Et je le sens moins dans les jeunes d'aujourd'hui qui viennent. My God, je trouve ça le fun. Ah, Merci. ça fait plaisir, c'est ça que je veux remercier entre autre la personne qui a organisé cette rencontre-là. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que je sens, là, c'est qu'aujourd'hui, les choses sont en train de changer. Puis c'est intéressant qu'on puisse discuter en groupe parce qu'autrefois, de ce que j'ai capté de certains groupes, surtout, c'était plus spirituel, là, il y avait tout le temps un sens plus de la hiérarchie, puis de. De gouroutisage, que j'appelle. Ouais, c'est ça exactement là. Je disais pas encore un hostie de gourou. Je disais ça de même dans le temps. Puis la seule personne que je vibrais qui ne m'amenait pas dans ces territoires-là, c'était Bernard de Montréal. Oui. On est tous vulnérables, David. Ça, c'est un point que je veux apporter à tout le monde. On n'est pas au-dessus de rien. Moi, j'ai vu des grands personnages se faire ramasser d'aplomb. Oui, Et ça, exactement. être témoin de ça, c'est la plus. Tu sais, les gens. Ah, mais Bernard est mort malade, Daniel est mort malade. C'est ça. Ils sont fait ramasser eux aussi. Mais ça peut être un autre sujet de discussion parce que Oui. à travers la maladie de Bernard, ça peut être une occasion de voir à quel point le mental peut rester intact dans l'adversité sans que la personne réfléchisse l'événement, puis qu'elle reste claire, puis tu sais, être capable de faire une conférence jusqu'à quelques jours avant sa mort, tu sais. Oui, il a transcendé la souffrance complètement. Il était totalement debout. Je l'ai vu jusqu'à la fin, moi. Mais ce que je veux dire, c'est que j'entends bien du monde parler de la maladie, c'est ci, la maladie, c'est ça. Commençons par juste mourir sans souffrir de la mort. Ça sera déjà mal. Maintenant, un jour, on mourra peut-être plus, je ne sais pas, dans 3000 ans, probablement, qu'on va être capable de passer directement d'un corps à l'autre, à travers un cormoranciel. Et puis, oui, d'accord, mais là, on n'est pas là-dedans présentement. Déjà, juste de passer la mort sans vivre la mort comme une mort, c'est une illusion. C'est le corps qui meurt, le reste. Clairement, on ne meurt pas. Ben Bernard, ça, il était en vie de son vivant. On le voyait clairement que c'est ça qui. C'était pas de la philosophie, c'était intégré. Oui, exactement. Puis c'est sûr qu'à travers Bernard, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il était confronté à différentes initiations, que ce soit à travers le voyage, à travers le couple, au niveau financier, puis au niveau santé aussi, là. Ouais, mais c'est ça, d'être là-dedans ne nous prive pas des initiations, ça je veux dire. Ça ne nous évite pas de souffrir non plus, parce que je vois beaucoup, on pourrait en parler de ça. Il y a beaucoup de gens, je trouve, qui cherchent à plus vivre leur vie parce qu'ils ne veulent pas souffrir. Grave erreur, à mon avis. Ça, c'est fuir sa vie, c'est pas faire face, là. Non, exactement, elles sont dans l'évitement expérientiel. Oui, puis c'est bien à la mode, là, dans les milieux, je trouve, d'éviter de vivre ça, puis de pas trop vivre nos petits états. Au contraire, moi, j'encourage les gens à vivre leurs états, puis aller au bout de l'état. Puis une fois que tu es allé au bout de l'état, c'est là que tu t'en libères complètement, dont la culpabilité. Tu te sens coupable. Ben, vas-y, au bout de ça, qu'est-ce qui va arriver, là? Exactement. Peut-être qu'il va arriver quelque chose qui n'est pas si pire que ça, je ne sais pas. Faudrait-il. Je blague, là, mais le pire qui arrive, c'est qu'on est en colère, puis on finit par changer, c'est ça que je veux dire. Il faut aller au bout de l'état de la culpabilité pour pouvoir remonter. Tu sais. Ouais, Tout il ce faut qui que. descend, tout ce qui descend monte, mais il faut descendre. Faut pas. Allons-y, on a peur de descendre, les humains, d'aller au fond des choses. Tu sais. C'est parce que c'est ça, il faut que les gens soient capables d'explorer leur zone d'ombre, entre autres. Oui. Bernard parlait d'étudier nos vies. Voilà. Explorer nos vies, c'est ça aussi. Exactement, ça peut être entre autres. Tu sais, il y a des choses comme au niveau de la culpabilité, quand on en regarde par rapport à la religion. Entre autres, la religion catholique, dont nous sommes ici au Québec pour beaucoup d'entre nous. C'est incroyable toute la culpabilité là, qu'elle a occasionnée là, dans ses enseignements, dans sa façon de vivre, notamment au niveau de la sexualité, là. C'est abominable quand on en regarde ça. Oui, puis je pense qu'il y a encore beaucoup de traces à libérer de ça, surtout dans la sexualité. Mais toutes les religions, ben ça, c'est un sujet, on pourrait amener ça. La culpabilité, la sexualité, puis la religion, on dirait que ça va ensemble. Oui. Hein? Les musulmans, là, c'est pas. Moi, je peux parler des musulmans assez facilement, ouvertement. J'ai été mariée avec un musulman. J'ai même étudié le Coran. Puis je me suis pas convertie parce que je venais de crisser la religion catholique là. Fait que je me suis dit, je ne vais quand même pas me convertir à une autre religion. Mais j'ai quand même pris le temps de l'étudier, puis c'est pareil, c'est la même attitude que les catholiques. Je ne sais pas pourquoi le monde se fait la guerre entre les musulmans et les catholiques tellement, c'est la même religion. C'est juste le rituel qui est différent, mais le contenu est le même. Puis là, je ne parle pas des intégristes de la religion, parce qu'on parle de tchador, de la burqa. Ça, c'est le côté intégriste des religions, comme il y a eu un côté intégriste de la religion catholique aussi, en passant. Ben oui, avec l'Inquisition au Moyen Âge. Ben oui, puis l'extrême droite, ça a toujours existé. C'est pas d'hier, ça se cultive. Là. Fait que, là, on parle beaucoup des musulmans intégristes dans le monde, mais si tu regardes les musulmans modérés, c'est la même religion que la religion catholique. Le message est le même, ou à peu près. Puis la culpabilité est la même, puis la sexualité est étouffée de la même façon. Puis particulièrement la femme. Fascinant, ça. Tiens, on pourrait explorer ça, David. Pourquoi les religions prive pas l'homme de jouissance, mais la femme. Ah! Quelle bonne question. Ouais, Excusez. mais c'est une très bonne question parce que c'est des religions d'hommes qui ont été dirigées par les hommes, pour les hommes. C'était le plus patriarcal. Donc, on parle de petit H, là, bien sûr. Oui, bien entendu, c'est pas l'homme conscient là, fusionné avec le double, là. Non, mais on ne parle pas de l'homme grand H, de la race humaine, je veux dire. Donc, ouais, c'est ça. Mais poussons plus loin, OK? Poussons plus loin. Moi, ça me dit que la femme, la sexualité d'une femme, une femme épanouie dans sa sexualité, ça a du gaz en Jupiter. Certainement. Plus que l'homme. L'homme se vide dans sa sexualité, la femme se remplit. Ben, ça peut Fait être une que... source de ressourcement pour les deux, là. Oui, mais quand tu as On... fini l'acte sexuel, Oui. en général, l'homme fait dodo, puis la madame part faire son ménage. Puis là, la madame, elle se plaint que le gars, il dort après l'acte. Oui, t'as raison. Exact. Quand c'est mal compris énergétiquement, c'est ça qui se passe. Psychologiquement, je sais pas combien de femmes m'ont dit, ben là, mon chum, après l'amour, il s'endort. Il parle d'un gars plate. Ben, je dis, ben là, il est à moitié mort, tu viens de le siphonner. C'est sûr. C'est non, mais c'est énergétiquement, la femme se remplit, l'homme se vide. Oui. Puis on sait que dans les religions, la femme n'a pas accès à sa jouissance dans la religion catholique, ni musulmane, puis probablement chez bien d'autres. Mais c'est ça que je dis, d'après moi, la femme qui a accès à sa jouissance accède à quelque chose de très grand que l'homme ne veut pas qu'elle touche de façon inconsciente. Et là, je suis rendue à dire que la femme est plus intelligente que l'homme, là. Ben, Change de sujet, David, je non, vais non, te non, mais planter c'est tes tomates. intéressant. C'est-à-dire que moi, la façon que je le capte, c'est qu'il y a certains hommes qui n'ont pas intérêt à ce que la femme soit épanouie sur le plan sexuel puis qu'elle puisse se recharger de cette énergie-là, parce qu'à ce moment-là, elle sera en mesure d'y contester. Ah, c'est bien dit, c'est exactement ça. Elle est surtout oui, puis en plus, elle est capable de se tenir debout. Exactement, Pour parce que. avoir accès à son autorité, ce que l'homme n'a pas envie tellement de voir. Petit C'est ça, exactement, parce que des hommes qui veulent rester en puissance en gardant étouffée puis frustrée sexuellement la femme, alors qu'ils ont la petitesse de ne pas accepter puis le courage d'assumer que ce soit son partenaire ou qu'il y ait quelque chose d'égalitaire entre les deux, tu sais. Je ne l'avais jamais capté de même, je trouve ça bien intéressant. Ouais, c'est vraiment ça pour moi, David. T'sais. Puis en plus, je pense que l'homme en profite si la femme a accès à cette puissance. La femme peut aller toucher, tu vois, ça me parle. L'homme touche au supramental une fois connecté, mais la femme touche plus haut que ça à cause du corps émotionnel, le plan bouddhique. Donc le principe de l'amour, c'est les femmes qui vont le descendre. Aïe, aïe, on est rendu loin. C'est tout un chemin. Sexualité féminine, Oui. accès au plan. On appelle ça le plan bouddhique, eux autres. Ça, c'était Daniel Kim qui avait parlé de ça. Ça me Mais moi, rappelle ça. j'aime pas cette appellation-là personnellement parce que ça fait un lien avec la religion du bouddhisme. Puis moi, j'aime moins ça, mais c'est correct si tu l'utilises, là. Bon, mais quel nom tu pourrais y donner? J'ai pas de nom qui me vient, mais c'est un plan plus haut que le plan supramental. Ben, c'est parce qu'il y en a d'autres qui vont parler du plan surmental puis du plan supramental. Ben, qui parlent du plan surmental tant qu'ils veulent, mais moi, c'est un plan où il y a de l'amour. OK, ben en tout cas, le plan de Appelez-le la. comme vous voulez, mais même le mot amour est lourd, hein? Fait que c'est ça aussi. C'est pour ça que je dis on peut lui donner le nom. Parce que pour moi, le plan supramental, il y a deux autres plans supérieurs à ça. Mais les noms qu'on lui donne, c'est pour moi pas tant important que ça, là. Ouais, ben en tout cas, moi, peu importe les noms, là, je suis pas stické sur les étiquettes, là. Mais c'est Non sûr que. plus. Ouais. Vas-y, c'est pour ça que. Mais c'est pour ça qu'en lien avec ça, je suis d'accord pour dire que, tu sais, une femme qui est épanouie dans sa vie, elle va être pleine d'énergie, puis elle va être plus propice à aller plus loin pour intercepter des choses parce qu'elle a un taux vibratoire qui va être plus élevé, tu sais. Ben, je l'ai écrit ce matin sur ma petite page Facebook, là. La femme, elle protège l'homme de ce qui est astral parce qu'elle est capable de lire de loin, voir venir ces ambiances-là. Si l'homme est intelligent avec une femme, sa femme va toujours le protéger de ces ambiances. Elle va l'avertir, elle va dire, hey chérie, va pas te voir là, tu vas aller te péter la gueule. Ah, il y a même des hommes qui ne comprennent pas. Mais l'homme intelligent va faire, ah oui, ma femme, qu'est-ce que tu me dis là, là? Moi, je te dis que si tu t'en vas par là, ça marche pas, là, il y a quelque chose, je le sens. Mais c'est ça que la femme peut amener à l'homme. Et quand on amène ça plus loin, c'est un plan supérieur au plan supramental. L'amour que vous appelez, comment tu l'appelles, toi, ce plan-là, en haut du supramental, toi? Quel nom lui donnes-tu? Ben, on pourrait appeler ça le plan de l'amour réel. OK, parce qu'il y a un OK. plan en haut de ça, Ben, qui est le. c'est-à-dire que moi, la façon que je vois ça, c'est que tu as l'amour vécu au niveau planétaire, qui est coloré. OK. Puis en dehors de ça, c'est un amour qui est au-delà de la polarité, de la réflexion. Mais pour moi, dans le fond, le niveau supramental englobe cet aspect-là aussi. Mais ça pourrait être un sujet de discussion parce qu'on peut-être qu'on cartographie pas de la même façon la réalité, là. Ben là, ben moi, comment je voyais ça? Comment je vois ça présentement? Si on parle de sept corps, il y a le corps physique, il y a le corps vital, le corps émotionnel, le corps mental, le corps supramental, le corps plan de l'amour ou bouddhique, whatever you want, guys, puis le plan moronciel qui est la fusion totale. En dehors de ça, il y a peut-être d'autres choses, mais moi, c'est de même que je les vois. Puis ces plans-là supérieurs, il y en a trois supérieurs, quatre inférieurs, dont les sept chakras, les sept rayons, les sept ci, les sept ça, les sept et compagnie. Là, je ne sais pas, ça doit être toutes sortes d'appellations pour ça. Oui. Puis, tout de même, je vois ça, il y a une connexion. Pour moi, il y a un cordon relié à chacun de ces mondes-là. Tu sais, le corps émotionnel, tout le monde le connaît, le plexus solaire, il y a un cordon, je le vois, ça, de toute façon, il y a un cordon qui est relié là, puis qui est plugué dans le monde astral. Comme le plan mental supérieur est plugué quand il arrive à allumer au plan supramental, mais il y a plus haut que ça, c'est ça que je dis. Continuons. Oui, non, exactement, mais c'est intéressant parce que c'est sûr que présentement, on est en train de vivre un changement dans la civilisation, plus particulièrement au Québec, où là, la femme prend plus davantage sa place. Oui. Fait que ça va changer éventuellement notre société, les autres sociétés aussi, cette mouvance-là, tu sais, Oui, mais ce que moi je vois, c'est moins beau que ce que le bien du monde voit. vas-y. Pour l'instant. Je trouve pas ça que l'avenir de la femme qui va prendre sa place, c'est vrai, mais il y a une petite revanche nécessaire. On est quand même sur la planète Terre, les polarités. Puis avant que la femme puis l'homme trouve un point d'harmonisation vraiment de leurs énergies, il y a encore un petit travail à faire. Et les femmes vont abuser dans les prochains 50, 60 ans de leur pouvoir, comme l'homme le fait. C'est un retour du balancier, ça, là. Il y a un impact à l'abus que les hommes ont fait sur la femme depuis des milliers d'années. Il y a une conséquence qui va nous revenir. Ça s'appelle les lois de la conséquence, justement. Qu'on va devoir vivre sa planète. Moi, je trouve que c'est déjà commencé. Au Québec, on voit les femmes poursuivre les hommes pour un. Moi, je pourrais m'asseoir dans ma chaise, là, puis je dire que mon voisin me harcèle sexuellement, puis la police débarque, puis il l'arrête sans preuve. C'est un abus de pouvoir, ça. Ben ouais. Un retour du balancier, c'est ça que je dis. Il y a un petit règlement de compte à faire avant d'arriver à plus haut dans l'énergie. Puis ça, il faut accepter de le vivre. On va le vivre. Tout le monde va le vivre. Il y a un règlement, un petit passage règlement à faire. Que je dis, homme-femme. Mais ça, c'est un petit peu comme dans l'esprit de la revanche. T'sais. Il y en a un qui est abusé, il va abuser l'autre. Mais ça, c'est au niveau astral. Mais quelqu'un qui passe directement à la conscience supramentale, il n'y aura pas un esprit de revanche en réaction à du mémoriel passé. Bon, on verra ça dans ton couple, mon David. On en Si je vis reparlera. le couple. Ben Ah! ça, c'est un autre aspect. C'est parce que moi, je pense que c'est là que ça peut se ré... Je le vis dans mon couple, je suis pas un imbécile. Fait que je vois bien que ça cherche à vouloir se venger, tu sais, des fois sur l'homme. C'est un passage obligé, d'après moi, pour arriver au deuxième étage, justement. On saute pas d'étape, David, non? Non, c'est ça. L'ego peut désirer être rendu au bout du bout, mais il peut y avoir des étapes nécessaires qu'on ne peut pas Oui. outrepasser. Ouais. Ouais. Puis que le ménage n'est pas totalement fait. Puis que c'est parce qu'on n'a pas le contrôle sur comment je dirais ça? Je parle vite, là, mais. On n'a pas tant. Moi, je ne considère pas avoir le contrôle de ça. J'ai juste la capacité d'observer. C'est pas pareil. J'observe ce qui se passe en moi. Puis je suis transparente. C'est peut-être ça que les gens apprécient de moi, c'est que je suis transparente. Mais je ne peux pas dire qu'on est. J'ai pas vu personne pas habiter de ça. J'ai pas vu une femme qui n'est pas habitée et donner envie de régler le compte à un gars. Présentez-moi-en une. Je vois pas ça. La plupart des femmes vivent un petit côté, genre, j'ai le goût de régler. T'sais, des fois, tu entends ça au Québec. Moi, j'ai entendu ça souvent. Oh, c'est bien deux neurones. Mais je le dis des fois en blague. Là. Deux neurones, dont une érectable, l'autre pour réfléchir. Puis on parle de l'homme, c'est méprisant. Mais c'est des blagues, mais c'est un petit règlement de compte subtil, soit-il. Ah oui, ben c'est sûr qu'il y a un volet règlement de compte qui peut exister en lien que l'évolution puis le passé. Oui, puis qui est nécessaire à ça, je veux dire, qui est nécessaire à régler pour passer à l'autre niveau. Tu sauteras pas l'étape règlement de compte pour aller dans le deuxième niveau. C'est ça, au troisième niveau, on dirait qu'on joue un jeu, hein, c'est vraiment intéressant. Mais c'est un peu ça, hein, David, un jeu, la planète, quand même. Mais la question que je me pose, que j'aimerais poser aussi aux gens, qu'est-ce qu'on vient faire ici, dans le fond? Pourquoi l'humain se tape ça? Pourquoi on vient ici s'incarner? Ben Parce qu'on le choisit, notre plan de vie, en passant. On ne t'impose pas un plan de vie. Tu descends sur la planète une fois que tu as choisi ton plan de vie. Mais ça peut être un sujet de discussion. Parce que pour moi, l'affaire du choix du plan de vie n'est que réelle que si l'individu est réel. Tant que l'individu est inconscient au niveau de l'âme, un peu comme un enfant qui va choisir pour une destination de voyage, je ne connais pas tous les détails et les implications que ça a, tu sais. Dans sa naïveté, son inconscience, quelqu'un peut dire, ah ben, je peux choisir d'aller faire un voyage en Afrique, mais la personne ne sait pas que là-bas, il va se ramasser dans une situation de guerre civile. Dans le sens que tant que la personne n'est pas totalement consciente d'elle-même, elle ne peut pas faire un choix qui est libre et éclairé réellement. On est d'accord sur la théorie. Mais toi, tu sembles dire que parce qu'on descend et qu'on oublie. Attends, j'ai pas bien saisi, je crois, ton propos C'est parce très. que si, OK, ce que je veux dire, c'est que si, admettons, on choisit de faire quelque chose, de descendre sur Terre, puis de s'incarner dans une famille à tel endroit, si on est inconscient, on ne connaît pas tous les tenants et aboutissants que ça implique. Fait que notre choix n'est pas aussi libre et éclairé que quelqu'un qui a une conscience morentielle, là. Ouais, je comprends, mais c'est ça que je dis, la partie morontielle que tu parles, avant qu'on soit là, ça va prendre du temps. Ce que tu parles, toi, c'est l'effusion. Quand on descend, on choisit, pour moi, on choisit clairement notre plan de vie avant de s'inscrire sur cette planète. Puis ce qu'on récolte, ça, c'est pas pour ici, c'est pour l'autre bord. Ce que tu gagnes, c'est pas pour ici, c'est pour plus tard, dans ton évolution générale en tant qu'énergie lumineuse, machin. Non, je comprends ce que tu veux dire, c'est que les Mais gens. l'effusion n'empêche pas l'évolution. Pour Ouais. moi, le fait de ne pas me souvenir n'empêche pas que mon plan de vie s'exécute. C'est là que le double devient important. Il fait sa job que tu exécutes ce que tu as choisi parce que toi, tu te rappelles pas. Mais lui, il sait. Ou elle. Exactement, mais le fait qu'on ne se rappelle pas de ce qu'on a choisi fait que le plan de vie peut être subi, on peut vivre de l'ignorance, de la frustration, toutes ces choses-là. Ouais. Mais une fois que tu sais, comme moi, je sais que j'ai choisi mon plan de vie, même si j'ai pas de libre arbitre. Ça ne veut pas dire que je ne vis pas de rébellion, au contraire, ça peut même nous énerver royalement. Mais à un moment donné, on finit par convenir, je dirais que l'ego finit par comprendre, à force d'expérimenter que ça se passe assez bien, l'ego finit par convenir avec l'idée. Mais en passant, on se rappelle des choses, c'est juste qu'on n'est pas capable de décoder. Il y a des films, je ne sais pas, les gens peuvent se mettre à écouter des films, mettons, sur des arts martiaux. Ben, c'est assez évident que c'est une mémoire, ça, là. Il y a des choses qu'on peut se rappeler à travers nos intérêts aussi. De vie, tu sais, si quelqu'un lit plein de philosophie, puis il est fou de la philosophie, il y a peut-être des mémoires de philosophes là-dedans. Mais un jour, on va se souvenir de tout ça, c'est vrai. Je suis sûre de ça aussi. Puis on va être en mode fusion. Mais la fusion, une fois qu'elle est complétée, on quitte le plan terrestre, on n'a plus besoin d'être ici. Oui, ben moi, la façon que je vois ça, c'est que la Terre, c'est une planète école. Tout à fait. Puis on est ici le temps qu'on a à intégrer puis développer notre conscience. Mais le jour que c'est fait, on passe à autre chose, là. Il y a plein de planètes dans le cosmos, là, tu sais. Dans un certain sens, la Terre, pour moi, je vois ça un peu comme un dépotoir, tu sais, au niveau astral, Pourquoi on présentement. vient ici? C'est ça, on voit ça comme un dépotoir, mais on vient tous. Fait que le dépotoir, il y a une fonction très importante pour Ouais. notre développement ultime. Donc, moi, je suis plus capable de parler de la planète comme un dépotoir, même si je l'appelle la planète expérimentale, parce que j'ai compris qu'elle a une fonction très importante dans notre conscience et notre développement. Puis c'est un peu ça que je trouve des fois, quand je te disais tantôt, les gens cherchent à fuir leur vie. Les gens qui perdent leur intérêt pour la vie, qui perdent le plaisir de vivre, la joie de vivre, ils n'ont rien compris. C'est des philosophes de la conscience. Parce que quand tu es conscient que ça a un impact dans nos vies de vivre ici, puis que c'est pour ça qu'on vient ici, on n'a pas le choix, on a le choix de venir ici, mais pour pouvoir connaître mieux, il faut venir ici. C'est quoi le but ultime? Ça me parle beaucoup là-dessus. Je vais y aller là-dedans, David. On Oui, change un vas-y. peu de là. Mais là, ça me descend d'aplomb. La race humaine, c'est une race en évolution. Mais le but ultime, c'est d'avoir de l'intelligence dans de la forme. Exact. Sans hiérarchie, en passant, totalement libre. Et nous sommes la race qui sera ça. Fait que c'est bien beau, je me défais de la planète, là, mais je veux pas, je me défais pas de l'expérience. Le corps humain, c'est le corps le plus développé de tous les corps existants. C'est pas le Cormorantiel? Mais le corps morentiel, il n'est pas un corps énergétique. C'est un corps énergétique, c'est pas un corps dans la forme. C'est un corps de transition pour plus mou tu vas mourir en conscience. Autrement dit, tu vas changer d'enveloppe physique, tu vas aller dans ton corps morentiel pour t'incarner dans un autre corps physique. Ça peut se faire instantanément. Mais Ouais. la forme dans la matière, c'est pas le corps morentiel, ça va être le corps physique humain. Oui, non, je comprends présentement. Ben, plus dans quelques centaines d'années encore, David, probablement. Pour moi, c'est le même, je vois ça, en tout cas. L'humain, pourquoi il a été créé? C'est pour créer une race libre. Il n'y a aucune race libre. Ça, même le. Tu sais, pourquoi tout le monde vient en tabarnak avec les plans systémiques? C'est une gang de hiérarchisés, ce plan-là. Il y a tout le temps une hostie de hiérarchie. On n'est jamais libre. On est toujours Oui, dominé par mais quelque chose. c'est Là, intéressant ça à y est, aborder. la madame à pompe, là. Non, mais c'est intéressant à aborder parce qu'après tout, il y a eu le phénomène de la rébellion de Lucifer, dont il est question dans les livres d'Urantia, où Lucifer s'est révélé contre la hiérarchie divine, puis bon, les plans systémiques et tout. Puis là, ça a occasionné la création du plan astral, qui est en déphasage avec le plan éthérique, le plan supramental. Puis là, le processus vise à ce que les gens se révoltent contre l'astral pour être libres du plan astral, mais en même temps, il faut qu'ils soient libres aussi du plan éthérique ou de la hiérarchie cosmique. Fait que ça devient particulier. Oui, mais c'est. Écoute, on flag d'aplomb, mon ami, là, parce qu'on parle d'une évolution de la race 6 puis 7e race racine et 8e race racine, mais c'est vers ça qu'on s'en va. Pour moi, en tout cas, depuis que je suis là-dedans, puis à chaque fois, j'ai demandé à mon contact à quoi ça sert tout ça, c'est toujours la même réponse que je reçois, c'est d'être éventuellement la race libre de tous les plans existants de tous les univers. N'y en a pas de race libre à part nous autres. Pas maintenant, mais dans l'avenir, parce que c'est Non, je déjà comprends. réglé. En passant, on vit dans le passé ici, là. C'est réglé, ça, là. Oui, au-delà de la temporalité linéaire, c'est réglé dans le sens au niveau absolu. Mais il y a un délai d'intégration comme un délai de téléchargement d'une information dans un logiciel. Oui, exactement. Exactement, il y a Pour un que ça petit soit. délai. Pour que c'est ça, il y a un délai, tu sais, comme quand on télécharge une vidéo sur Internet. Il y a un délai de téléchargement. Mais en réalité, la vibration de ça est déjà existante. Puis on peut s'y brancher psychiquement dans un sens. Exact. C'est comme l'instruction de Bernard de Montréal. Tu sais, s'il se branche psychiquement lorsqu'il parle à la conscience de l'homme libre nouveau, en allant au-delà de la temporalité, ben c'est sûr que ça nous donne accès à un avant-goût de qu'est-ce que ça va être, mais là, après ça, il nous reste à courtir le temps avant que ça soit manifeste. Exact. Mais c'est quoi un homme libre? Parlons de liberté. Ce serait quoi la liberté? Tu sais, je regarde les gens et me disent, ah, oh, moi, je suis libre, mais ils travaillent pour quelqu'un. T'es pas libre. Moi, là, t'es fonctionnaire, t'es pas libre. Exactement. C'est parce que ça serait élaboré, ça, être libre sur cette planète. Pour moi, la liberté financière, ça, c'est la première étape importante. Moi, je pense que c'est important d'être libre financièrement. Oui. Deuxième étape, la liberté émotionnelle. Ça vient pas facilement, mais à force d'expérience, on finit par découvrir qu'on peut être libre émotionnellement aussi. Mental, mais au niveau des idées, de l'intellect, je veux dire. La liberté de. Tu sais, ce que j'aime des groupes, comme je te parlais, c'est qu'on est libre de penser. De plus en plus, il y a une liberté au niveau de la pensée. Et tranquillement, je trouve que l'humain, depuis 20 ans, il progresse vite, là. En tout cas, au Québec, peut-être pas dans le monde. Je ne suis pas sortie trop souvent ces dernières années. Mais je trouve qu'au Québec, il y a une très belle évolution de l'humain, de l'intégration de ce que ça devrait être au niveau être un peu plus libre, libre. L'autre fois, je disais quelque chose à quelqu'un par rapport à ça, c'était notre argent. Mettons, on vit sur une planète avec de l'argent. Ah, mais on n'est pas libre. Ben, tu es libre de mettre ton. Tu peux au moins penser que tu peux mettre ton argent ailleurs que dans un. Tu sais, mettons, j'achète un produit. Ben, je regarde où. Ça vient d'où, ça? Je finance qui, moi, en faisant ça? Tu as commencé à être libre là-dedans. Tu es libre dans le sens, moi, j'achète plus de produits. J'achète même plus de linge neuf. J'ai pris cette décision dernièrement, il y a un an. Je n'achète plus rien de neuf. Je rachète toujours de l'usagé, sauf les chaussures que je dis en blague et mes petites bobettes. Mais Ça, je peux comprendre. petites pudeurs là. Ben oui, parce que des sous-vêtements, c'est des traces de break d'une autre personne dedans, ça serait pas agréable. Wesh. Puis les chaussures aussi, parce que les pieds, c'est unique. C'est dans le sens, la forme des pieds, comment on marche, là, ça forme une chaussure, puis ça peut avoir un impact important sur notre colonne. Il faut faire attention. Donc, mais c'est un choix. Pour moi, ça commence là dans l'application d'une certaine liberté où mon argent s'en va. Même si tu n'es pas riche, là, ton argent, elle sert à nourrir des formes. Exactement. Ça ne veut pas dire de faire tout sauter les formes. Moi, je veux bien nourrir certaines formes, mais j'ai tendance à aller vers des formes que je veux savoir qui je nourris. C'est ça que je dis. Mais Qui je nourris, puis qui j'entretiens. Quand j'ai su que j'achetais des vêtements du Bangladesh, j'ai déchanté. Là, maintenant, j'ai fait crise, je fais travailler des enfants. Si le monde se mettait à penser un petit peu juste ça, là, ça changerait la planète, David. ouais, ben au niveau éthique par rapport aux achats, parce que chaque achat La est un consommation. vote. La Ouais. l'éthique de la consommation. Oui, c'est ça, exactement. Mais c'est sûr que présentement, il y a des mouvements qui vont dans ce sens-là. Dans le sens que si les gens font de la pression, par exemple, pour que quand ils achètent des hamburgers, soit sans hormones, puis sans produits chimiques dedans, ben il y a un changement qui se fait, tu sais, au niveau alimentation, manger bio, manger biologique aussi, au lieu d'acheter de la nourriture qui a été remplie de pesticides, là. Oui, ben c'est ça. C'est des petits choix, des petits mouvements de liberté que j'appelle, que ça commence de même avant de penser qu'on va flyer, laisser un autre nuage, là, commençons par. J'ai un petit côté trop terre à terre peut-être, là, mais j'aime bien l'idée de cette petite liberté que je me dis, moi, j'ai le choix entre mettre mon argent d'un côté ou d'un autre côté. Ben, je pratique ce petit libre arbitre minime, ce petit exercice de choix, ça fait du bien à mon être. De savoir que je peux choisir un petit peu cet aspect-là. Mais pourquoi on est rendu là-dedans? Non, non, mais on parlait de la liberté. Ah! Parce que pour ce qui est de la question de la liberté, parce que la race humaine est vouée à être libre, moi, la façon que je le vois, c'est que l'être humain doit se donner la liberté, dans le sens que la liberté ne lui sera pas servie sur un plateau d'argent de la part des plans. C'est lui-même qui doit aller la chercher. Ouais, on avait parlé de ça, arraché. Ça va rester, ça, David. Arraché, là, Son notre. droit à la liberté. Oui, il faut aller la chercher, ça, mais effectivement. Ça demande, mais c'est pour ça que je parle de petite batterie, grosse batterie des fois, parce que ce qui fait qu'on est capable d'aller arracher quelque chose, c'est une question de gaz, d'énergie. Exact. Puis là, ben, chacun doit respecter l'évolution de chacun là-dedans. Il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas tout de suite, il y en a qui l'auront. Puis il y en a qui en Votez pour arrachent présentement. la. Oui! Ils sont pas capables d'arracher leur liberté, mais ils en arrachent en esti. Eh bon. Ça a l'air à te parler, ça, vas-y. Ben, Ça t'allume, on le sent. Je pense pas oui. que tu parles de toi, là, mais il y a Non, quelque non. chose. Parce que des fois, il y a des gens dans haute spiritualité, tu sais. Il aimerait avoir accès à des choses, l'amour universel, puis les ci, puis les ça, mais Chris, Commence pas. C'est ça, ils sont pas rendus là, ils ont pas assez de power dedans, ils sont pas assez groundés dans la matière pour vivre ces choses-là, fait que ça demeure de l'idéalisme, ouais. Puis ils viennent déprimés aussi. Puis ils viennent en crise contre tout le monde. Puis ils viennent frustrés. Puis on vit dans un monde de marde. C'est Ouais. pas vrai. C'est ça que. Ça, c'est une hostie de charriage astral. On n'est pas d'un monde de marde. On est là pour évoluer. Oui, il se passe de la marde. On n'est pas que de la marde. Puis moi, je suis pas capable de convenir avec ça. Ça m'énerve. J'aurais pas éduqué deux enfants si je pense de même. Calvaire. On se calme. Non, exactement, là, tu sais, parce qu'il y en a qui vont dire, ah, la vie, c'est de la merde. Oui, mais j'entends ça beaucoup autour de moi. Les gens sont paumés. Carrément, du monde pas évolué. Il y a du monde. Ça, c'est du monde paumé qui se sac de tout. Puis qu'il sait. Il n'y a pas de no future, là. No future, ça, c'est une chose. Mais ce que j'aime, moi, dans les cercles que je fréquente, c'est de voir cette autre spiritualité se développer. Puis de parler de conscience quand c'est pas intégré. Ah, c'est touché, ça. En tout cas, je trouve ça touché. Moi, je parle de ce que je suis capable de parler puis de ce que je contiens. Sinon, je ferme ma gueule, ça n'a pas de sens. Non, je Ferme comprends ce que tu veux dire, ça, mais... dé, ça, dé, ça, nous a, ça nous fait que ça. Ouais. Je ne vais pas nommer personne, David, là, mais je connais plein de gens, des gens qui sont devenus des gourous là, dans les dernières années parce qu'ils se pensent bien intelligents. Hey! Il n'y a personne qui est supérieur à l'autre. À un moment donné, il faudrait comprendre ça. Bon, pourquoi je suis choquée encore? Ben non, mais c'est parce qu'il y en a qui peuvent dominer en croyant être intelligent. Alors qu'ils ne le sont pas, objectivement parlant. C'est ça. Moi, du monde là, qui vient de me dire, hey, j'ai été contacté pour te parler, là. Prends tes jambes à ton cou et décalisse, là. Ben, moi, je vais regarder avant si c'est réel. T'sais, si la personne me dit ça, puis je sens qu'il y a une vibration qui passe, je vais dire, OK, il y a quelque chose. Mais si elle me dit ça, puis je sens juste un esti d'orgueil pour essayer de se donner une autorité sur moi, je vais crisser mon camp, là. Ah ouais, non, t'es plus fin que moi. Ben moi, je T'es tasse dans la tes. forme. Je tasse la forme, dans le sens que la personne peut me dire quelque chose de bien gros, mais je vais la regarder vibratoirement, mais si en une fraction de seconde, je vois que c'est pas ajusté, c'est sûr que je donnerai pas suite, là. Ben moi, à partir du moment où je t'ai pas demandé ton avis, que tu viens me donner ton avis, tu veux me dominer, c'est déjà plus intelligent. Parce que ça, c'est touché aussi. Tu sais, si la personne a la vibration de dire quelque chose, mais il faut Tu demandes la permission, David? Tu demandes la OK. permission? Ah, Tu dis. oui. Ce que je veux dire, c'est est-ce que je peux te parler? J'ai peut-être quelque chose à te dire. OK. Mais c'est pas de même que ça se passe souvent, là. C'est, hey, j'ai été dit, puis là, ça me dit que, puis qu'il faut que je te dise que. Moi, il faut que, là. Il y a le faucon aussi. Hein. Il faut qu'on fasse ci. Il faut qu'on fasse ça. C'est un oiseau, un faucon, en passant, qui Oui. nous surveille d'en haut. Non. Oui, mais Il y en a s'il y a une quelques-uns. imposition là-dedans, c'est sûr que ça n'a pas sa place. T'sais, Ben, c'est important, ça, David, pour moi. Ben important, parce que j'ai toujours entendu mon contact me dire pas de questions, pas de réponses. Autrement dit, tu domines pas les autres. Il n'y a pas de questions, il n'y a pas de réponses. Même si je vois quelque chose sur quelqu'un, des fois j'envoie plein des affaires, là. Des fois je rentre chez nous, je suis bourré de ça, moi-là, là. Mais j'ai fermé ma gueule parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé quelque chose? Non. Fait que j'ai rien à dire aux autres dans ce sens-là. Moi, je trouve ça très dominant, ça, très touché. Peut-être c'est moi qui est rebelle, mais. Non, mais en lien avec ce que tu dis de ce que je capte, c'est sûr que, tu sais, je regarde par rapport à mon expérience, c'est sûr que des gens qui manquent d'ajustement, j'en vois plein, mais je ne chercherai pas à les ajuster si ça ne m'est pas demandé par C'est ça. eux. Ouais. C'est ça. Tu viens de le dire. Ça t'est pas demandé. Hey, on n'est pas au service de choses en haut ou en bas ou en dessous. Là. Moi, je m'en crisse où ce qu'il est, là, Non, mais c'est mais pas. c'est ça, on n'est pas pour faire de la sous-traitance pour les doubles, puis C'est Chris, pas. payer tout le prix, parce que ça crée des oppositions. T'sais, si t'as juste quelqu'un qui te l'a pas demandé, ben ça risque de créer un conflit ou des oppositions énergétiques, ouais. Exact. Tu sais, à un moment donné, les gens me disaient, ouais, mais tu suivais Daniel. Oui, j'ai suivi Daniel Ménard, puis je lui ai permis de m'ajuster. Donc, ça ne me dérangeait pas qu'ils me disent des choses. Mais les gens autour de Daniel Ménard qui s'essayaient de me dire des choses, je peux te dire qu'ils sont retournés sous les chaises. Parce que moi, j'ai permis à Daniel Ménard d'intervenir dans ma vie. J'ai dit oui à Daniel Ménard dans ce temps-là, mais pas à Joséphine, à Caroline, à Nathalie l'autre bout, puis à n'importe qui, là. Non, non, non. Une chose à la fois que je disais. Moi, je considère que c'est très important si on se fait ajuster, moi, je permets à l'autre de m'ajuster. C'est déjà quelque chose que j'ai convenu avec certaines personnes. Si tu trouves que je délire, que je dérape, ramène-moi. Ça, c'est convenu. Exact. N'y a pas de domination, on s'entend que. Mais du monde j'en ai vu, puis j'en vois encore, puis j'ai été témoin de ça il n'y a pas si longtemps, David encore, il y a quelques semaines, quelqu'un qui est arrivé dans une situation de venir dire ça à quelqu'un, puis la personne qui a reçu ça a été 2, 3 jours à en parler parce qu'elle est déstabilisée. Est-ce que je devrais y parler? Est-ce que je devrais l'écouter? Hey, tout cas, moi, les gens qui font ça, c'est des gourous. Non, exactement, parce qu'il y a de la domination, puis dans certains cas, il y a des gens qui, ah, ça me dit ça, l'esprit, puis là, ils sont soumis à l'esprit, mais ils ne sont pas assez dans le principe de l'amour de l'humain pour l'être humain pour être capable de se censurer dans leurs paroles, tu sais. C'est ça. Il faut prendre le contrôle de ça. C'est ça. Oui, t'as bien dit, c'est bien dit. C'est une solution, ça, au moins. C'est pas juste un. Oui, j'aime bien ton. Comment tu amènes la solution à ça, mais faut prendre le contrôle de ça, parce que sinon, ça va faire des petites guéguerres Non, non, d'aplomb, là. exactement, parce que si la personne est juste possédée par l'esprit, puis l'esprit cherche à l'utiliser pour ajuster un paquet de personnes, puis la personne n'est pas capable de mettre ses limites, ben à ce moment-là, elle n'a pas un rapport de force réel avec son esprit, puis il est juste un pion à son service. Ouais. Mais moi, je dirais même pas que ça vient de l'esprit parce qu'on était dans le haut astral. Hein. OK. Pour moi, c'est ça. Parce que la nuance entre l'esprit, toi, tu appelles l'esprit, là, mais le contact ou dans le supramental, pour moi, la nuance entre le haut astral puis le supramental, c'est subtil. On est dans le subtil, puis qui dit subtil, comme dit Bertolt, c'est pas compliqué, c'est subtil, c'est pas pareil. C'est pas compliqué, mais c'est subtil. Non, non, mais en lien que ce que tu dis, c'est souvent en effet le haut astral, moyen astral, ou même. Parce que moi-même, au niveau de l'esprit, l'esprit, je trouve, peut dominer aussi, comme Bernard disait, il disait, c'est des vampires, tu sais. Toute la gang, là. Oui, quand tu choquais, il était Oui, quelque chose. exactement. Fait que. Oh, oui, mais c'est des vampires ou des. Pour moi, l'astral est vampirisant et dominant, mais le supramental, c'est dominant. Aussi. Puis c'est une petite gaieté, et on le sait, là, il y a bien des gens qui ont eu des. Moi, j'ai un vis-à-vis qu'il a fallu que je fasse avec mon contact à un moment donné, là, parce que je trouvais que je ressemblais d'une marionnette pas mal désarticulée, là. Ça va faire, là. Me faire dire n'importe quoi, bouger n'importe quoi. Parce que moi, à un moment donné, ça passait à travers ma bouche n'importe quoi, là. Wow! Le discernement, dirait notre ami Bertolt. Oui! Mais c'est pas parce que tu veux prendre le contrôle de la parole. C'est comme à un moment donné, moi, j'ai vraiment fait une colère. Je m'en souviendrai toute ma vie. Là. Ça a duré 3 jours dans la maison, puis je sacrais comme une défoncée. Puis en tabarnak, j'étais là, mon hostie, tu descends, là. Puis mets-toi face à face, puis que je te voie la face, calisse. C'était pas mal levé, là. Puis ça s'est placé parce que j'étais capable de dire, hey, je veux bien te servir, j'ai pas le choix, là, mais il va falloir que tu prennes conscience que sa planète Terre, c'est pas de même que ça se passe. Il y a une espèce de vis-à-vis qu'il a dû se faire. Ben oui, parce qu'il faut ajuster l'esprit. Ouais. Parce que c'est pas nous autres à juste à s'ajuster à l'esprit d'une manière unilatérale. Non, il y a une instruction, c'est exactement ça. Il y a une instruction qu'on doit faire avec notre contact. Parce qu'ils vivent pas dans le plan de la matière, hein, ces énergies-là, ils sont vraiment en dehors de notre plan. Fait que des fois, ils manquent d'expérience, comme dirait Bernard. Je me souviens que Bernard en parlait d'ailleurs. Il disait qu'il y avait des ajusteurs de pensée qui étaient tellement imbéciles. J'ai dit, je faudrait que je retourne sur cette conférence-là. J'étais présente, puis je roulais à terre de rire, moi. Parce qu'il parlait même du suicide, on fait un switch, là, mais il parlait du suicide, puis il disait que c'est des ajusteurs de pensée qui manquaient de compétences. Ouais, ben là, c'est sûr, ça va pas bien, mais c'est sûr que j'imagine que des ajusteurs de pensée, que, tu sais, ça fait, je sais pas, moi, 10 incarnations qui accompagnent, puis il y en a d'autres que c'est 10 000, c'est pas pareil, là. Tout à fait. Puis la moyenne de vie sur la planète, c'est 4 000 vies. 4 000, 4 500 vies jusqu'à présent. Ça, c'est une OK. clairvoyante qui m'avait dit ça, très, très solide. OK. Très crédible. La moyenne d'incarnation sur la planète présentement, c'est 4 000, 4 500 pour les initiés du genre que vous êtes, là, qu'on voit. Il y en a plus que ça, il y en a qui ont 10 000 vies, là, mais dans les plans de conscience, c'est 4 000, 5 000 en moyenne. Bon, ceci dit, quelle importance cette information, je ne saurais te le dire. Non, exactement, mais c'est intéressant ce que tu parlais dans le sens de modifier le rapport de force avec l'esprit. Très important, oui. Parce que cette dimension-là, je trouve que malheureusement, c'est pas assez diffusé. sais, il y a beaucoup de l'amour des forces, surtout dans le domaine de la haute spiritualité qui est présente, mais il n'y a pas cette volonté de réajuster les forces à soi. Ben, ça va venir, samedi, là, c'est une question de temps pour les gens. C'est ça quand je disais un petit peu la nuance entre le haut astral versus le supramental. Quand à un moment donné, on change de plan de conscience, on passe d'un plan astral qui nous domine pour passer au plan supramental qui nous domine aussi. À un moment donné, on s'en rend compte que ça nous domine, puis on vit un petit peu rebelle. Moi, c'est là que j'ai failli perdre un peu contenance. C'est que je suis très rebelle, puis je suis devenue révoltée contre ça. Parce que là, j'ai dit, calisse, je passe d'un plan à un autre, j'étais aussi dominée qu'avant. Tabarnouche, qu'est-ce que j'ai gagné? Absolument rien. C'est juste une domination qui est plus subtile, tu sais. Oui, eh ben oui, elle est très subtile. Puis les lois sont pas les mêmes non plus. En passant, c'est plus les mêmes règles. Comme je t'ai déjà parlé un petit peu, j'ai eu deux business. Il y en a une qui a été roulée sous le monde de l'astral. Puis la deuxième business est partie sur une vibration supramentale. C'est pas les mêmes règles d'alignement non plus. Puis il a fallu que je découvre tout ça. Mais à un moment donné, je me sentais tellement dominée, puis je suis devenue victime de mon contact. Hey, là, victime du contact. Si ça va plus bien, j'étais victime de l'astral, là, je suis victime de mon contact. C'est là que j'ai peut-être des colères, puis que ça a fait, à un moment donné, j'ai fait, là, ça va faire de me faire le clown sans m'informer. Fait que là, Exactement. ça a commencé à se placer. Puis aujourd'hui, quand je vis quelque chose, je pose une question et j'ai la réponse instantanément. D'ailleurs, c'est pour ça que je te disais, si je parle, je voudrais parler à deux, parce que tout seul, je n'ai pas de questions. J'ai toujours mes réponses. Donc, pour moi, là, je ne dis pas que j'ai la vérité infuse, Non, je non, m'en ben fous. c'est bien correct, mais c'est intéressant de voir que à quelque part, il a fallu que tu affrontes le plan de l'esprit après avoir affronté le plan astral pour te libérer de tout ça, puis avoir accès au savoir, là. Oui, exactement. Il a vraiment fallu affronter. C'est un affrontement. Puis il y a eu des tests. Puis de toutes sortes d'affaires qui se passaient là-dedans. Puis à un moment donné, j'ai même passé des menaces, c'est pas drôle. Mais j'étais très seule, c'était pas une menace, c'était pas du chantage. À un moment donné, j'ai dit, hey, toi, Chris, c'est ici que ça se passe, c'est dans la matière. Puis si tu m'appauvris puis tu me mets dans la barre financièrement, tu t'arranges avec tes troubles, je décalisse d'ici. J'ai mis cette condition minimale. Mais j'ai jamais pu remanquer d'argent. Fait que C'était fini. c'est sûr que c'est intéressant de voir comment l'humain peut manipuler ses manipulateurs. Moi, oui, ou informer, j'aime peut-être mieux le mot informer que manipuler, parce que c'est ça que j'ai compris. Au début, on s'est manipulé, mais maintenant, on comprend qu'ils n'ont pas, ils peuvent pas, tu sais, le plan systémique, il ne peut pas descendre bien ben plus bas que le mental supérieur de l'humain en termes d'énergie. Fait que ce qui se passe en bas de la ceinture, c'est pas lui, Chris. Faut que tu l'informes. En bas de la ceinture, c'est une expression gang. En bas. Je parlais pas vraiment du bas de la ceinture, parce que je veux dire, le plan supérieur, pour moi, l'énergie supramentale débarque dans le plan mental supérieur. L'information, c'est le plan supérieur le plan mental supérieur qui est le récipient. Le plan mental inférieur, c'est où l'intellect se trouve, pour moi. Donc, le récipient de l'énergie supramentale, c'est notre mental supérieur. Puis il peut pas aller plus bas. Tu sais, le corps émotionnel, ça rentre pas là, là, ça, là, là. Ça descend sur le plan mental, puis après, ça peut se fracasser dans nos autres corps, ou d'autres croyances, appelez-le comme vous voulez. Mais, non, là, j'ai perdu le fil, David, aide-moi. Non, non, mais tu parlais qu'eux autres sont limités dans leur descente. Ben, c'est ça, ils sont limités au plan mental, ils peuvent pas aller plus bas. OK. Fait que toi, si tu souffres en bas, ils le savent pas, là. Faut que tu lui dises, hey, chaud, je suis en train de crever à gueule ouverte, tu vas-tu m'arrêter ça, le chaud, là? OK, fait qu'il faut autrement dit leur transmettre le signal de la souffrance pour qu'ils soient capables de s'ajuster en conséquence, parce que si on Exact. en... Ouais. Parce que je gueule dans ma partie. Non, non, Oui, c'est correct. c'est vraiment ça. Faut que tu les informes. Puis c'est pour ça que je dis aux gens, vivez-les vos hosties d'état. Allez-y, parce que c'est cette souffrance-là qui va vous amener l'énergie nécessaire pour remonter le canal dans le canal, tabarnak. Hey, chose, t'as-tu fini de me faire chier? Parce qu'à un moment donné, il faut se choquer, Chris. Ça n'a aucun sens là, de se faire dominer de même, puis souffrir, puis se faire étaler. Ils vont nous virer tout et bas. C'est qu'ils ne sentent pas, c'est nous qui devons l'informer de ça. C'est ça, ça revient à ça. Puis moi, à partir du moment où j'ai mis mes balises, j'ai dit, garde, là, si tu m'appauvris, là, tout ce que je vais faire, c'est de la survie. Fuck la vie, de rendu là. Je m'en crisse de la vie. Quelqu'un qui a faim aussi, il ne pense pas à toi, tabarnak, là. Non, exactement. Fait que c'est sûr que à ce moment-là, c'est de voir sur quoi que l'être humain a en prise pour les faire bouger dans cette direction. Bonne question, ça. Est-ce que une emprise? Ben dans le Non. sens que si eux autres ils ont pas de corps physique puis de gens sur le plan matériel, ils peuvent pas s'y exprimer, manifester leur créativité. Ben, ils ont besoin de nous pour se manifester, fait que Ben c'est c'est ça ça. l'échange. Exact. C'est ça exactement, mais en contrepartie, nous autres, on a besoin de leur éclairage pour être capable de vivre notre vie en conscience. Tout à fait. Donc, c'est de trouver le comment Et je. sans souffrance, on peut vivre sans souffrance. On peut même vivre des ruptures sans souffrance. Tu peux avoir le cancer sans souffrance. Tu vas avoir plein d'affaires sans souffrir le martyre. C'est ça que moi je lui passais comme message. Crissez-nous à paix avec le bloc de souffrance, là. Parce que c'est survivre, ça. Je voulais pas. Exact. Moi, dans ce temps-là, je parlais pas de même. Je disais, je veux plus survivre, je veux vivre. Crissez-moi à paix. Exactement. C'est sortir de la survie. Sortir du plan astral, pour moi, serait synonyme, là. Mais sortir de la survie mentale, émotionnelle, physique, vitale, sortir de la survie. Une fois que ça, là, si tu veux que je prenne conscience de ta présence, il faut que je sorte de la survie. Sinon, j'ai pas d'intérêt. Pourquoi j'irais penser à ça si j'ai de la misère à survivre? Tu comprends? Non, exactement, tu sais, pourquoi ma Pourquoi même m'occuper de ça? Ouais, non, c'est ça. Si j'ai faim, tu sais, on voit, tu sais, des fois, je trouve les gens condescendants. Ah, sur le deux tiers de la planète, t'as faim, puis là, il y a du monde qui dit, ah, mais il faut se développer la conscience. Ben oui, mais quand t'as faim, câlisse, oublie ça, la conscience. Là, tu meurs. Pour du monde riche, ça, tu sais. Ben, c'est sûr que si on en prend la pyramide des besoins de Maslow, tu sais, tu as les besoins de base comme au niveau alimentaire avant de besoin de transcendance. Oui, tout à fait. Manger, dormir, chier, péter, là, tu sais, ça fait partie de la base, là. Puis ça, t'es privé de ça, d'eau potable, de toit sur la tête, de sécurité. Puis t'as pas à manger. Puis là, faudrait on va lui dire qu'il faut développer des pensées positives, développer de la conscience. Voyons, non, bullshit de gens riches et connards, excusez-moi l'expression. Non, mais c'est pas adapté à leur niveau, tu sais, c'est sûr que. Non, puis c'est pas en lui disant de penser positif qu'on va changer le niveau non plus, là, en passant. Hein. Non, J'ai surtout même que la pensée entendu vient du monde. d'ailleurs, tu sais. Comment? Ah oui. Surtout que la pensée vient d'ailleurs. Fait que tu peux vouloir changer la pensée négative que tu reçois pour une pensée positive, mais tant que tu ne modifies pas le rapport de source avec C'est ça. l'esprit qui est derrière, ben, il risque de t'envoyer d'autres pensées négatives, tu sais. Exact. C'est des roues qui tournent en rond en crème, ça. Mais des fois, je trouve qu'on est condescendants, les Occidentaux, face à. Je vois ça, là, ça me choque, je mets le feu au cul. Ça me met le feu au cul de voir des gens. Ah ben, vous devriez vous entourer de gens qui ne pensent que positif. Mais oui, c'est sûr. N'importe quoi. C'est important de l'opposition, si. C'est une bien légume. Oui, mais en même temps, il y a quelques instants, tu disais que c'est important d'en venir à vivre sans souffrance. Oui, mais de l'opposition, pas nécessairement souffrant. Regarde, on n'est pas tout le temps d'accord. C'est de l'opposition créative. J'aime ça. Oui, Continuons. exact. Mais c'est ça, c'est dans le respect mutuel, là. Tout à fait. Puis Mais. il y a plein de gens que je rencontre qui ne sont pas d'accord avec ce que je dis, puis j'aime ça aussi. Je leur dis tout le temps, gêne-toi pas pour me dire ce que tu penses. Ça me fait plaisir, j'aime ça entendre autre chose. D'ailleurs, tantôt, je faisais un petit sur Facebook, j'avais un petit mot genre sur les femmes, c'est quoi que la femme amène à l'homme, puis l'homme amène la femme. Tout le monde est d'accord qu'on se protège. Je sais pas, c'est un petit mot sur Facebook qui m'a allumé, une personne qui envoie. Quand un homme aime vraiment aime sa femme, il la protège et non la maltraite. Et moi, j'ai répondu, quand une femme aime vraiment son homme, elle le protège aussi, puis j'ai voulu élaborer. Puis tout le monde me répond, yes, yes, yes, mais aucun argument. Ça, pour moi, ennuyant. Je sais pas si tu saisis, amenez-moi votre point de vue. Fait que là, j'ai réécrit, j'ai dit, moi, OK, Oui. oui, c'est ça, mais c'est quoi que la femme protège? C'est comment la femme protège l'homme? Il n'y a personne qui l'a descendu, celle-là. Ah oh, oui, on est d'accord. Tu comprends-tu? Oui, mais Puis. c'est vrai que sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, moi-même, quand je vais converser ça avec des gens, souvent ça reste plus en surface. Mais en même temps, ça peut être intéressant. Bon, on peut l'élaborer présentement, tu sais. Oui, mais on peut l'élaborer dans tout notre quotidien de vie aussi. C'est ça, je veux dire, les gens survolent, on surfe, on passe notre temps à surfer dans la vie. Exactement. Tandis que si on va plus en profondeur, ben c'est là qu'on va pouvoir faire des percées puis des dévoilements. C'est ça, c'est pour ça qu'on fait des entrevues ensemble, parce qu'on va aller plus loin, aller gratter plus loin en se questionnant mutuellement, faire monter l'énergie. Mais c'est ça, je veux dire, ça, pour moi, c'est un phénomène intéressant. Mais juste de dire yes sur une phase philosophique, rien à cirer. Non, exactement. Tu sais, à ce moment-là, c'est plus un mouvement d'âme pour dire, ah ben, je te donne mon appui ou ah, j'aime ce que tu Oui. dis, mais il y a pas de volonté derrière ça d'approfondir, d'aller plus loin. Non, ça amène rien de plus. Tu sais, on parle d'énergie, développer son énergie, monter en énergie. Ben, c'est par des mouvements d'échange comme on fait. Moi, pourquoi on fait ça? Je suis sûre que tu fais ça pour monter en énergie. En même temps, Exactement. oui, c'est clairement ça. Ça nous fait monter la vibration. Parce que discuter ensemble comme ça. Ça occasionne une vibration qui va me dynamiser sur le plan psychique, qui va me nourrir plus que si je suis dans un discours de complaisance, puis ouais. Oui, puis après, je blague, là, je fais une blague, David. Après l'enregistrement, enregistre tes affaires parce que ça descend d'aplomb souvent. Moi, c'est après que ça se passe. Là, je te parle, là, je vais me coucher 1 heure après, puis là, ça passe, là, l'information descend. Je ligne, ligne, ligne, ligne. Pour moi. Oui, ben moi aussi ça fait ça, dans le sens que de parler avec quelqu'un en générant une vibration, ça va favoriser l'ouverture de mon canal et me rendre plus réceptif dans les heures qui vont suivre à des idées nouvelles parce que ça va tasser au préalable la réflexion que je pouvais avoir dans les heures précédentes. Exactement. C'est pour ça qu'on le fait. Puis c'est une solstice. Les gens nous écoutent puis aiment ça. Mais pratiquez ça. Moi, je vous invite à faire ça avec tout le monde dans votre environnement. Questionnez. Tout le monde a de Non, l'intelligence. non, mais C'est juste. attends une minute. Il faut que la personne ait l'ouverture aussi de se prêter à l'exercice. T'sais, si la personne a vibre juste au niveau astral, oublie ça, là, ça ne lèvera pas. Non, ça ne lèvera pas. Mais moi, ça peut m'informer sur quelque chose qui m'habite encore. Oui, vu comme ça, Tout en effet. le temps. Mais pour en revenir à ça, pourquoi Oui. la femme va défendre l'homme? La femme protège l'homme de l'astral. La femme, c'est un scanner. Une femme qui aime son homme, elle le protège au niveau de l'ambiance. OK. C'est son rôle. C'est sa fonction. Je ne sais pas trop, là. Parce J'ai que toujours été. moi, la façon que je capte la femme, c'est plus au niveau du principe de réceptivité, C'est ça. dans le sens que, vibratoirement parlant, la femme, de ce que je capte, c'est qu'elle a un potentiel plus grand que l'homme masculin de recevoir l'esprit. Par contre, en contrepartie, l'homme masculin a une plus grande capacité de manifestation dans la matière. Il protège sa femme comme ça, C'est donc. ça exactement. Fait que la complémentarité peut s'installer entre le principe plus réceptif, passif versus l'autre actif, là. C'est parce que je l'exprime autrement, mais on dit la même chose. C'est la même OK. chose. C'est exactement ça. Moi, je disais juste, une femme réceptive, ça a comme une connotation un peu passive pour moi, puis c'est moi qui ai cet ancrage-là, et non pas ce que tu dis, là, mais c'est moi et je sens l'ancrage chez moi. Par contre, je vais avoir tendance à dire que la femme est un scanner. C'est ça, la réceptivité. La femme est capable de détecter quand son homme est menacé ou en danger ou mal aligné au niveau de la direction. Tu sais, l'homme va prendre une décision dans son travail. Tu vas peut-être entendre la femme dire « Hein? Fais pas ça, mon amour, ça n'a pas de bon sens. » Il y a quelque chose qui me dit que ça n'a pas d'allure. Mais c'est la difficulté pour l'homme d'entendre ça parce que la femme n'est pas dans le concret, elle est près de l'occulte. Hein? La femme est plus près un peu. Donc, elle n'est pas toujours aussi rationnelle dans son explication. C'est un scanner d'ambiance pour moi, une femme. Ça scanne la direction puis l'ambiance dans laquelle tu t'enlignes. Oui, exactement. Souvent, les femmes sont plus intuitives que les hommes qui vont être plus rationnels. Par contre, ce que j'ajouterais comme nuance, c'est que s'il y a un homme qui a développé sa polarité féminine plus yin, il va aller dans le même sens. Ça, c'est tout un sujet. Ouais. Ben moi, j'étais très yang, moi maintenant, là, puis je peux te dire que c'est plutôt une expérience de vie. Pas sûr que ça va. Je sais pas m'exprimer ça. C'est complexe ce que tu viens de dire. Ah, yin-yang. Tu sais, on reste. Un homme, c'est un homme, petit H. Une femme, c'est une femme, petit F. Mais dans, tu sais, pendant un couple gay, tu sais, il y a toujours le Oui. principe mâle-femelle. Oublions homme-femme, puis rentrons dans mâle-femelle, mettons. OK. C'est les mêmes. Tu sais, tu vas voir la même dynamique qu'on parle là dans des couples gays. Il y a toujours un des deux qui est plus mâle, puis l'autre plus femelle. Puis il y en a un qui est plus protecteur, puis l'autre est plus scanner ou plus dans l'action, whatever. Ces mécaniques-là sont là pareil. Fait que pour ça, je dis que tu sois plus féminin, moins féminin, plus masculin, ça reste les principes mâle-femelle pour moi. OK. Là, on parle de rapport de couple, là, on se comprend. Oui, bien sûr. Le rôle de la femme ou de la femelle versus le mâle dans le couple. Ils ont chacun leurs fonctions. Moi, mon chum, il me protège au niveau financier, c'est clair. Je sais pas compter. J'ai une crise d'allure. Non, non, je sais pas compter. Moi, 2 plus 2, ça fait jamais 4. C'est toujours quelque chose qui finit par 4 et 20, 4 et demi. Mais j'ai toujours eu les bons moves pour mes finances pareilles. Je suis intuité, mais Ménard, il disait tout le temps, Carl, est-ce que je comprends pas comment tu fonctionnes, tu sais? Ben, je dis, moi non plus. Ça dépassait sa compréhension, ça. Mon chum, c'est pareil, il ne comprend pas. Des fois, il choque après moi parce qu'il dit, mais voyons, pourquoi tu dépenses ton argent là-dedans? Mais c'est parce que mon argent, je la gère en fonction de mon senti, pas au niveau du rationnel. Fait que lui, il ne comprend pas. Il ne fait plus de guerre, il a compris. Il a compris qu'il comprenait pas. Il a compris qu'il n'y a rien à faire surtout avec moi. Puis que j'ai une intelligence là-dedans, c'est ça qu'il a eu, mais ça y a pris quelques années là, avant de comprendre ça. Mais pour l'homme, c'est difficile de comprendre cette idée-là, vraiment. Puis pour la femme, c'est difficile de comprendre que le gars, il s'en va à la guerre, lui, dehors. Toutes les femmes aussi vont dehors, tu vas me dire, ils ont une job. Il faut pas le prendre dans trop l'ABC de la forme, là, je dirais. Mais le gars, c'est un fighter. Il s'en va, lui, à la guerre. Puis c'est bien. Moi, je suis sûre que David, on donnerait une option. Regarde, on va partir d'une discussion intéressante, quelque chose de concret. OK. Présentement, le système de garderie des enfants, le système de garderie public coûte à chacun d'entre nous par enfant 35 000 à 40 000 $ par enfant en garderie annuellement. Nos impôts qui payent ça, OK? Tu donnes un salaire à la personne qui veut rester à la maison, éduquer les enfants, puis tu donnes un salaire sans imposition, mettons 25 000 pièces sans imposition. Autrement dit, c'est 25 000 pièces dans tes poches, pour on n'en parle plus. Là. Tu viens de sauver quasiment 10 000 par enfant socialement, puis je suis à peu près convaincue que ça va être 90% des femmes qui vont choisir de retourner à la maison. On a beau dire que les femmes veulent travailler, c'est vrai. Il y a des femmes qui veulent sûrement travailler puis qui sont carriéristes, ça existe, je n'ai pas de souci avec ça. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de femmes qui veulent rien savoir de ça. Moi, la première, malgré le côté yang que j'ai, puis très business que j'ai développé pendant 30 dernières années. C'est parce que je n'ai pas le choix. Pas pareil. Mais si j'ai le Non. choix, je retourne à la maison éduquer les enfants, j'ai tellement aimé ça, moi. Rien savoir d'aller sa job. Je vais Non, je m'amuser. comprends, puis c'est bien correct. C'est sûr que là, on peut voir la distinction entre l'inclinaison de la personne innée versus l'acquis ou ce que la société veut faire de l'individu, tu sais. Tout à fait, tout à fait. Puis bon, mais mettons qu'on met ça vraiment intelligent. Je suis sûre que les femmes reviendraient à quelque chose de beaucoup plus près de la réalité. Puis on va y revenir, c'est une question de temps. Puis c'est juste que les femmes, ils ont fait fuck you parce qu'il n'y a pas eu de reconnaissance sur leur travail. Crème, ma mère, moi, elle était poignée qu'un bonhomme marié à vie, sinon elle était financièrement sur le cul. Quand elle avait construit toute sa famille, mais même si elle est malade mentale, elle est quand même restée là à nous éduquer partiellement, soit-il, mais elle n'avait pas de droit, tu comprends-tu? Hey, quelle femme accepterait ça? Mais il n'y a plus de femme qui accepte ça. C'est ça qui est Non, arrivé à la exactement. libération Ouais, des c'est femmes. ça. Mais la réalité, est-ce qu'on a libéré vraiment les femmes? Bon, on verra, ça, c'est un autre débat, là. Mais ceci dit, c'est à ça que les femmes ont fait fuck off, à la non-reconnaissance de leurs fonctions. C'est une job, éduquer des enfants. Bon, on va s'en rendre compte parce qu'on les éduque plus, on n'a plus le temps, câlisse. Puis là, c'est un esti de marde qui nous s'en vient sur notre cul. Parce que les enfants, on les éduque plus, on les laisse dans la cour en train de jouer avec le tonka, pendant que maman peut-être texte sur le téléphone, hein. Ouais, ça, c'est un autre aspect. Puis souvent aujourd'hui, il est demandé aux professeurs d'éduquer les enfants Ben oui. puis de faire le rôle pour compenser les parents qui font plus ce job-là. C'est ça. Mais il y a un prix à payer. C'est qu'on perd notre intelligence. De plus, tu sais, depuis 10 ans, il est démontré que le cerveau humain décline. On est moins intelligent qu'il y a 10 ans, là. Oui, ben j'ai vu un documentaire là-dessus récemment, mais c'était plus en lien de ce que je comprenais par rapport au fait que il y a des gens qui sont exposés à des produits chimiques alors que au niveau fœtus, puis à ce moment-là, ça nuit au développement des facultés cognitives par la suite, là. Ben, il y a ça, mais il y a bien d'autres facteurs qui ne savent pas, qui tiennent aussi, qui fait que la race humaine dégénère, là, de façon générale. Mais c'est pas grave, je ne vais pas aller là-dedans, c'est un débat, c'est un autre débat, mais. Mais bon, pour moi, c'est multivariable. C'est sûr que l'exposition grandissante à des produits chimiques qui n'existaient pas autrefois, comme les plastiques, c'est sûr qu'au niveau de l'éducation, si les enfants sont laissés à eux-mêmes chez eux devant l'ordi, ils sont juste tout le temps devant l'ordi ou la tablette, ben, à un moment donné, ça aide pas au développement des habiletés sociales puis d'autres choses, tu sais. Ben, regarde, j'en ai fait un petit audio, on va le parler parce que je le livrerai à personne. Mais moi, je viens d'avoir des nouveaux voisins là, depuis 4 mois. Tout mon quartier se renouvelle. Là. OK. Puis mes nouveaux voisins, de droite à gauche, écoute, c'est un délire. J'ai d'un côté 3 enfants, direct à côté de moi, 3 enfants, 3 ans, 6 ans, puis un petit bébé de 4 mois. Puis de l'autre côté, tout de suite, l'autre bord, 2 enfants, 3 ans et 6 ans. C'est donc des parents de la même génération. Je capote sur ce que j'observe. Premièrement, les enfants sont laissés à eux-mêmes des heures de temps dans la cour pendant que papa et maman sont pas là. Il peut arriver n'importe quel accident. L'autre fois, j'ai vu un enfant pitcher un Tonka dans la face de l'autre. Une chance qu'il ne l'a pas atteint, c'est un meurtre. Pas de parents dans la cour. C'est pas une blague, David, là. Je suis intervenue à un moment donné parce qu'il y avait des enfants qui sautaient sur le balcon pendant des heures de temps à crier. Maintenant, je suis intervenue, j'ai demandé à la dame, j'ai été voir la dame. Elle était en train de parler au téléphone, texter à son téléphone pendant que ses enfants sautaient sur le balcon pendant des heures au soleil, pas de parasol. Elle était dans la cuisine, dans la maison. J'ai dit, ça vous viendrait pas à l'esprit de mettre un parasol sur votre balcon, madame, parce que vos enfants sont au soleil, full sun depuis des heures. Ah, ben oui. Ah, ben oui. La présence, peut-être. J'ai pas dit, là, je le pense, là, mais je l'ai pas dit. Mais la présence, peut-être. Mais ça, c'est un exemple de non-présence aux enfants continuels. Je vois plein de femmes pousser des pousses-pousses de bébés. On dirait des bunkers. C'est pas des pousses-pousses. C'est un bunker coupé de tout contact extérieur avec le petit plastique isolé dedans. Madame à court avec son téléphone ou sa Apple Watch. Hey, hey! Ah oui, je passe du temps avec mon enfant. Bullshit! C'est pas du temps avec ton enfant, c'est de l'absence avec ton enfant, ça, tabarnak. C'est quoi les conséquences de ça, sa planète, tu penses, de génération? L'autre fois, j'ai parlé avec une dame, elle me dit, mais oui, mais madame, ils sont jeunes, mes enfants. Ben, je voulais lui demander la permission de demander à ses enfants de ne pas crier sur le bord de la clôture à 8h15 le matin. Je voulais négocier avec les enfants puis me faire connaître tranquillement. Elle m'a envoyé chier au quart de tour. Ben là, madame, c'est tes enfants qu'elle me répond. Ben, j'ai dit oui, c'est justement. C'est un âge pour les éduquer, hein. C'est pas des plantes vertes ni un cactus, madame. C'est À quel ça. âge vous pensez que vous allez lui dire qu'il y a des règles à ne pas dépasser, puis que j'ai des droits, puis qu'eux autres ont des droits? À quel âge vous pensez que ça commence, ça, madame? Mange la marde, calice! Ben oui, belle réponse. Merci beaucoup. Bonne journée. Qu'est-ce que tu veux faire? Non, non, exactement. Ça va faire des enfants rois, puis par la suite, ils vont grandir en orgueil. C'est pire, ça fait même pas des enfants rois, si on vient de se la taper à la génération d'enfants rois, ils ont eu un peu de parents, mais là, c'est plus des parents, il n'y a plus rien, ils ont le droit de tout. C'est le chaos, ça, David, qui s'installe. Puis la maladie mentale, parce que tu lui montres aucune résistance jusqu'à ce qu'il arrive au marché du travail. Non, Hey, exactement. C'est parce que tu vas sans doute avoir là-dedans des gens qui vont développer du trouble bipolaire ou des états limites. il va en avoir un méchant paquet tantôt, parce que là, je te parle de 5 enfants, 2 voisins seulement, qui ont la même attitude envers leurs enfants. Parce que dans le fond, si on pense, par entre autres, au niveau psychologique par rapport aux états limites, des jeunes qui n'ont pas eu, par exemple, de limites ou des parents absents ou négligents, fait qu'ils ont été tout le temps laissés à eux-mêmes, fait que ils sont pas habitués de travailler dans un contexte où ce qu'il y a un encadrement. Fait que à ce moment-là, la minute qu'ils vont être encadrés dans le milieu du travail, ils vont trouver ça dur en esti, là. Ben, ils seront pas capables. Ben non, mais c'est ça, ils sont pas capables de faire face à ça. C'est ça, mais c'est pour ça que je me suis dit, my God, faut qu'on en parle, qu'on éduque les gens, qu'on les sensibilise. Ça n'a aucun sens en quoi qu'on s'en va au Québec, là. Ben, On c'est n'y pas pense juste le Québec, c'est le monde, Chris. Le monde, ils passent leur temps pas. devant leur texto puis le téléphone intelligent. Il y a plein d'adultes qui sont pas présents aux enfants. Tu vas au restaurant, t'en vois plein, là. Ça nous met ça en colère à ton goût, toi, regarde comment ça nous monte en vibration. Ah oui, ça nous met en colère parce qu'on voit du manque d'intelligence qui pourrait être corrigé maintenant. Mais c'est parce que À quelque part, c'est sûr que c'est. En tout cas, c'est sûr qu'il est ça. Mais moi-même, il y a une dame qui a osé me dire, mais mêlez-vous de vos affaires. Puis j'ai répondu, Madame, je suis désolée, là, mais le social, c'est mon affaire. Vous êtes dans la rue, sur un trottoir, et ça en fait partie de la société, ça s'appelle. Que oui, c'est de mes affaires de m'en mêler. Si votre enfant n'a pas d'allure puis qu'il botte et brise mes plantes, je vais lui dire, je suis désolée, c'est mes affaires. Exact. Puis même s'il brisait un arbre en avant de chez nous qui n'est pas sur mon terrain, je vais y en parler. Mais c'est parce qu'on n'ose pas. Je pense qu'au niveau de l'adulte, je pense qu'on n'ose plus prendre notre place non plus parce qu'on s'est tellement individualisé. Ça, c'est un processus. Tu sais, individualité versus individualité. J'ai de la misère avec ce mot-là, moi. Individualité avec la différence individualisation. C'est pas pareil. Mais je pense qu'on est dans un processus où tout le monde se pense tous les droits et se permet tout. On s'individualise. Mais vivre en société sous-tend qu'il y a une limitation à ça, puis on semble l'oublier là. Et moi, ça me fout la trouille. Ça me fout la trouille. Puis je sais que je ne serai pas là pour voir la suite, tant mieux. Mais j'ai dit non. Non, non, c'est sérieux. Je sais ce qui s'en vient, on le sait, David. Moi, mes gars qui vont vivre ça, puis je les ai tellement. Jusqu'à présent, je ne les lâche pas là-dessus. Je leur montre comment contenir, se contenir, la force, développer de la force, parce qu'ils vont se taper ces connards-là, là. En tout cas, je m'arrête là parce que ça me met trop en colère, là. Non, non, mais je comprends. C'est sûr que tôt ou tard, ça va occasionner, ben, ça en occasionne déjà du désordre, là, mais. Ben oui, mais hein. C'est Tu sais, la dame qui, là, j'ai vu l'enfant te pitcher le tonka, je disais ça à mes gars, j'ai dit, les gars, imaginez-vous, là, qu'un petit garçon de 4 ans aurait pu être accusé de meurtre à 4 ans parce qu'il a pitché un tonka à travers la tête d'un enfant de 2 ans. Hey, on fait quoi avec ça, Chris? Là, ça va à la TV, là, on va dire, oh, ça n'a pas d'allure. Ben non, on va rien chialer, on va rien faire. non, exactement, puis ça va faire une belle émission à TVA. Le C'est drame ça. encore frappé au Québec. Tout le Québec a été ébranlé suite à la mort de tel jeune enfant. Puis Exactement. là, ça va être bon pour les codes d'écoute. Là, ils vont mettre en dessous d'un micro les parents qui se mettent à pleurer, puis ils font pitié, puis font pas drôle, puis il n'y a pas personne qui va rien faire pour que ça se reproduise plus. Puis tiens, pour faire un loop avec ton début d'émission, on va-tu se sentir coupable à ton goût? Ça va changer quelque chose, ça, Carlis? Ah, rien! Mais non, elle, la madame, elle va se sentir coupable toute sa vie de ne pas avoir surveillé ses enfants. Ben oui. C'est là que ça devient con, là. Non, exactement. Mais tu sais, quand tu regardes ça, là, comme par exemple l'utilisation des technologies, parce qu'autrefois ça n'existait pas, là, tu sais, le téléphone intelligent, la tablette, l'ordinateur. Mais l'enfant qui développe ça, il ne développe pas des habiletés sociales, d'être en interaction avec les autres. Non, Puis c'est vrai. spontanément, ce qu'on observe, c'est l'explosion du nombre de personnes qui sont diagnostiquées comme étant autistes. Puis l'autisme, c'est quoi? C'est en relation avec la difficulté à décoder le non-verbal de l'autre, ses émotions. Exact. C'est Ouais. curieux, hein, que les deux, ça arrive au même moment. C'est pas, ben, c'est sûrement relié, c'est clairement relié. Puis, moi, là-dedans, ce que je dirais, c'est, j'ai des enfants. Moi, les enfants, il y avait des tablettes graphiques à la maison, là. Ils ont rien que 19 et 21 aujourd'hui. Puis, moi, je les ai eus avec moi depuis l'âge depuis 15 ans, OK? Fait qu'ils ont 4 et 6 ans à peu près. Papa et moi, on n'a jamais permis que les enfants soient sur les tablettes graphiques des heures de tard, ni sur leur ordinateur, puis ils en ont toujours eu. C'est parce que c'est ça que je dis, les parents ne font plus la job d'éduquer, ils veulent avoir la paix. Exactement, Là, on a tellement fait travaillé que. fort pour payer nos 3 chars, notre 2 chalets, puis notre grosse maison, hein, puis nos grosses vacances dans le sud, que là, on ne peut pas s'occuper de nos enfants en fait dodo. On les plug sur les conneries, puis on les laisse là-dessus. Ben, on a la paix. Mais t'achètes pas la paix si t'achètes la marde. C'est ça, mais ça, ils le voient pas. Fait que, mais Non, juste mais un. moi, je le vois, puis nous autres, on va être poignés avec, ben oui. Non, exactement. Mais je veux juste rectifier mon propos parce que c'est juste, c'est vrai que c'est pas juste par rapport à ça l'autisme là, parce qu'il y a plusieurs causes. C'est pas juste exposition à ces technologies-là. Mais en lien avec ça me faisait penser à un moment donné, j'écoutais un film où la personne disait, ah, on n'a pas de gardienne, pas de problème, on va mettre les enfants devant la TV. Oh my God. Pourquoi? Je trouvais ça Mais drôle, mais en même temps, c'était pas drôle. Je riais d'un rire jaune parce que c'est vrai que c'est un petit peu comme ça, tu sais. oui, tout à fait. Mais en parlant d'autisme, en passant, là, tu y revois sur Facebook, j'ai mis un petit côté Mon plus vieux qui joue au piano, c'est un talent. Je suis en train de démontrer les mémoires réincarnatives en plaisantant. OK. Cinq cours de piano, puis il joue comme un individu qui aurait appris le piano 5-6 ans, OK? Mais c'est un enfant qui il est pas Asperger, je ne l'ai jamais testé, mais j'ai toujours su qu'il était limite. Puis c'est une des choses qu'on a vraiment détectées, moi, puis peut-être très jeune chez lui, c'est qu'il avait tendance à s'isoler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis c'est une des choses qu'on a travaillé le plus, c'est bien de ne pas l'isoler, puis de ne pas le mettre sur des choses qui l'isolaient. C'est ça, je veux dire. On n'a pas nourri ça parce qu'on savait qu'il avait tendance à ça. Aujourd'hui, il arrive à parler en public, puis être assez social, mais il demeure extrêmement réservé et timide. Il ne parle pas de lui, il s'isole facilement, il est bien tout seul, mais il est capable de socialiser. Mais c'est parce qu'on n'a pas nourri cet aspect-là de lui non plus. On l'a contrôlé. Il faisait des crises, il était très colérique, il venait en tabarnouche, t'aurais dû voir ça. Mais on disait, ah, mais il disait, je m'ennuie. Mais on disait, l'ennui, c'est créatif, développe ta créativité, trouve-toi quelque chose. C'est là qu'il a commencé à devenir un petit peu plus stimulé, puis entre autres, prendre des cours de piano, il s'est découvert un talent, tranquillement découvrir autre chose que sa tablette graphique et son ordinateur. Mais Oui, même ben. Je l'ai vu la vidéo où il joue du piano, puis en effet, il joue très bien, il y a cinq cours de piano, c'est ça qui est sauté. C'est tout. là. Là, il joue. Là, maintenant, il joue du Chopin, quoi. Des pièces de Chopin, lui, je capote. Je dis, voyons, Olivier, tabarne. Tu me fais chier. J'ai appris ça pendant 12 ans. Non, mais on C'est rigole. sûr que là, ça peut nous amener à être jaloux de son talent inné, tu sais. Ben, moi, je trouve qu'on a tous un talent. Je ne sais pas pourquoi les gens. J'ai dit ça, puis il y a quelqu'un qui me dit, oh, moi, je pense qu'on n'a pas tous un talent. Moi, je pense qu'on a tous un talent. Est-ce qu'on en fait quelque chose? Il y en a qui ont même plusieurs talents. Mais lui, c'est une mémoire réincarnative. Je l'ai vu, c'est une femme. OK. En fait, l'histoire, si tu veux, on peut la conter. La Ben vraie oui. histoire de ça, c'est que mon garçon le plus jeune, Simon, il prend des cours de piano. Puis Olivier, il dit, moi, peux-tu faire quelque chose? J'ai dit, ben oui, trouve-toi un instrument si tu as envie. Il dit, mais j'aimerais jouer au saxophone. J'ai dit, ah, ben oui, pourquoi pas? Fait qu'on a inscrit à des cours de sax, puis à l'autre au cours de piano. Quelques mois plus tard, le sax, il est écœuré. Olivier a fait le tour du saxophone, il est déjà écœuré. Puis Simon continue à jouer au piano. Alors, ça résumait, j'ai dit, veux-tu prendre des cours de quelque chose d'autre? Il dit non. Mais moi, je suis capable de voir les entités. Si je focus sur sur la personne, je suis capable de me plugger au troisième œil, puis de voir. Et je l'ai fait avec lui d'une façon absolument anodine et spontanée, sans y penser. Et j'ai vu une femme, juste au-dessus de lui, qui l'habite, avec une grande chevelure noire, jouer au piano. Fait que là, je dis, Olivier, ça te tenterait-tu de jouer au piano? Ben, il dit non. Ben, j'ai dit, tu pourrais peut-être essayer, comme Simon. J'ai dit, tu prends deux cours, puis tu verras. Si tu n'aimes pas ça, tu sacreras ça là. Il dit, OK. Hey, il était énervé quand il est sorti de la première cour. Après le premier cours, il a pratiqué pendant 10 heures sans arrêt. J'ai dit, on se calme. Il n'arrêtait plus. Ben, la mémoire est rentrée là, c'est ça que j'ai vu. J'ai dit, ah, là, la pianiste débarque. Et après cinq cours, ça donnait ça. Puis lui, il a quel âge? Maintenant, il y a 21 ans. 21 ans, OK. Là-dessus, il avait moins 3 ans. 18 ans. Il OK. a l'air très jeune en passant. Ouais, Je ben le c'est verrai ça pas que je aujourd'hui. voyais dans Il la a l'air vidéo, de là. 17 ans à peu près. OK. Fait que. Là-dessus, il a l'air de 14-15, là, mais il y a un père vietnamien puis mère québécoise, fait qu'il n'est pas grand. Mais C'est c'est un sûr mix. que c'est intéressant, ça, la question des talents, dans le sens que. Si, c'est ça, il est branché avec une dame qui était une bonne pianiste, puis il bénéficie de cette mémoire-là. Puis tu as des jeunes prodiges aussi, tu sais, qu'on voit à TV, là, dans des émissions, là, de variété, là, qui vont jouer soit du piano ou du violon à un âge très jeune, là. Ben ça, pour moi, c'est des mémoires réincarnatives. Moi C'est plus que aussi. ça va plus loin que le talent. Non, exactement. C'est que la personne est branchée sur des mémoires. Mais c'est sûr que moi, dans le fond, quand que j'ai suivi des cours de guitare, j'ai suivi des cours pour jouer de la basse, puis même de chant, mais pour moi, c'est un effort, là. Il n'y a rien qui a émergé spontanément là-dedans, là, tu sais. C'est ça. Ben ça, peut-être que tu aurais pu avoir le talent de le développer, mais ça prend des années comme moi au piano. Ça, je lui disais à mon garçon, je disais, Olivier, ce que tu joues, moi, ça m'a pris des années. Moi, j'apprenais le piano jeune, fait que je sais de quoi ça relève. Quand j'ai vu ça, j'ai fait, tabarnak, moi, j'ai tout un talent. J'en ai bras, je suis partie à bras. C'est pas un talent, c'est une connexion avec quelque chose de merveilleux. Un peu comme quand j'ai commencé la danse, quand j'étais en danse professionnelle. Je venais du sport, moi, plus, un peu. Puis, je suis devenue danseuse professionnelle en 5 ans quand ça prend 12 ans. Ben, j'étais pluguée sur des mémoires. Mais je ne savais pas. C'est ça qui est arrivé. C'est une voyante un jour qui me l'a dit. Elle dit, oh, vous avez des mémoires de danseuse en masse dans cette vie-ci. Vous ne serez pas danseuse. C'est vraiment ça qui est arrivé. J'ai été frappée par un char à 25 ans. Mais tu l'as été quand même une partie de ta vie avant ça, là. Ben, mais à 20, t'sais, une carrière qui commence à 18-19 ans, puis qui finit, pas une carrière, une formation. J'ai commencé ma formation à 18 ans et demi, puis à 25 ans, je suis frappée par un char. C'est pas long. Non, c'est vrai, en effet. Mais j'étais danseuse professionnelle pareil, mais c'est ça qui était. Mon prof de ballet avait dit, j'ai pas vu souvent du monde avoir le talent, mais t'as un talent inné pour la danse. Et cette voyante-là me l'a confirmé en me disant, t'as plusieurs vies de danseuse. Mais elle dit, dans cette vie-ci, tu ne seras pas danseuse. Mais là, j'avais déjà eu mon accident. Fait que je savais que Alizée m'avait le passé. Là. Elle me dit, mais dans cette vie-ci, vous n'aurez pas cette carrière, vous allez faire autre chose. Mais j'avais eu mon accident d'auto, j'étais déjà arrêtée. Fait que c'est intéressant de voir. Puis je le savais, David, en passant. Hein. Un an et demi avant, ça me disait d'arrêter. Je l'avais l'information, mais je n'ai pas été capable. Fait qu'il a fallu qu'on me frappe par un char. Oui, bien ça, c'est intéressant à aborder parce qu'il y a la question de la volonté, parce qu'on peut savoir des choses à faire, mais qu'on n'a pas la volonté de le faire, tu sais. C'est ça. Ça me ramenait par rapport à mon ancienne compagne. J'étais en couple 12 ans avec elle, puis à un moment donné, je savais qu'on allait se séparer, puis ça pouvait pas durer éternellement, mais j'avais pas la volonté Ou de... est-ce qu'on a besoin d'une volonté ou on laisse l'événement se placer? Hein? C'est une bonne question, ça. Est-ce que tu avais une décision de quitter ta conjointe ou la vie s'arrangerait pour que tu la quittes? Ben en fait, ce que ça me dit à l'intérieur, vu que je me mettais pas en action, ben par défaut, ça allait se faire. Ce qui a à se faire va se faire, que tu y participes activement ou passivement, tu sais. Donc, pourquoi prendre une décision si ça se fait pareil? Ben, c'est que tu prolonges du temps. C'est ça. C'est tout. Sais, Mais le ça temps. me fait penser à une personne que je sais qu'un jour, il va falloir qu'elle mette fin à la relation avec son conjoint, mais elle est pas prête à ça. Fait que c'est une question de temps. C'est ça. Mais moi, je pense que dans ce temps, comme on parle souvent que ce n'est pas nous autres qui pensent, puis que c'est comme on n'a pas beaucoup de libre, on n'a pas tellement de libre arbitre hein, ici. Ouais. Moi, là, je me dis, j'ai pas de décision à prendre. Oui, ça étire peut-être le temps. Oui, ça me dit que oui, ça a du sens. Mais le temps, on a l'éternité, fait que on s'en crisse. Moi, je prends plus de décision. Des fois, les gens me disent, ah, mais pourquoi tu bouges pas dans telle affaire? T'es inconfortable. J'ai dit, j'attends que ça saute seul. J'ai plus envie de bouger là-dedans. Parce que de toute façon, ça va pas se passer comme je veux. Là, mon ego va s'en mêler. Non. Autant que ça se fasse comme ça doit se faire, j'accueille la chose quand ça arrive, c'est tout. J'ai déjà eu une rupture de même, il y a mon ex-conjoint, là, c'était ça. Fallait qu'on se laisse, mais je n'étais pas capable de le laisser, fait que ça a passé par lui, puis à un moment donné, c'est lui qui est parti. C'est tout. Mais je peux dire un phénomène particulier par rapport à mon ancienne compagne, c'est que je savais que je devais la laisser, puis à un moment donné, j'étais tombé amoureux d'une femme, puis la minute qu'elle m'a quitté, puis elle m'a laissé, la même femme qui, dans le fond, j'avais un sentiment amoureux qui était là, ça a disparu. C'est comme si on a joué cette corde-là pour créer une tension, pour que le couple explose. Mais une fois qu'il est explosé, l'autre C'est plus femme là. m'intéresse. Ouais, c'est ça! Le petit Oui. tabarnak. C'est bonne, celle-là. Oui. C'est intéressant. Exact. Ben oui, puis même l'inverse existe aussi, je pense, c'est-à-dire, j'ai déjà connu un temps où j'étais avec quelqu'un, pensant le laisser, puis là, bon, on présente quelqu'un qui m'attire, je disais, ah ben oui, c'est la bonne affaire. Pour réaliser que finalement, la personne que je pense qui m'attire ne m'attire pas en tout, puis ça a renouvelé mon couple de cette époque-là. Tu comprends? C'est un peu le sens inverse de ce que tu as Oui, connu, mais ça fait oui. la même chose. C'est des games, c'est vraiment des bonnes C'est games, ça, c'est que les forces nous testent, puis ils peuvent nous magnétiser avec une personne, puis après ça, enlever ce magnétisme-là, tu sais. là. Totalement. Puis là, tu te retrouves tout seul. Exactement, exactement. Ben oui, parce qu'on est seul devant la vie de toute façon. Ça dépend ce qu'on a à vivre. T'sais. Je me rappelle, Daniel, il disait tout le temps, les gens posaient beaucoup de questions, célibataire, couple, tout ça. Daniel, il disait tout le temps, ça dépend ce que vous avez à vivre. C'est tout. T'sais. Ça dépend de ce que tu as peur. Lui, il disait tout le temps, regarde tes peurs, tu vas connaître ton plan de vie. Ouais, mais c'est tellement ça. Oui, ben dans mon cas, j'avais peur d'être seul. Fait que c'est pour ça que j'ai pas initié la rupture avec mon ancienne compagne. Fait que j'avais à confronter ma peur d'être seul. Puis, tu sais, je suis content aujourd'hui de l'avoir fait parce que ça m'a permis de me redéfinir, avoir plus d'autonomie, tu sais. Ouais, oui, tout à fait. Moi aussi, j'avais peur d'être tout seul, fait qu'ils m'ont laissé 4 ans tout seul. Puis jamais, je rêve de retourner là, moi. Moi, je blague, mais finalement, j'ai aimé ça, 4 ans tout seul. Mais là, je t'en coupe, fait que c'est correct. Je suis trop pique de ça, je te dis, mais ça dépend ce qu'on a à vivre. Le couple, Exactement. moi, c'est plus difficile quand même. C'est peut-être pour ça que je suis en couple depuis plus de couples longs, là. Je dirais que moi, j'ai pas eu beaucoup de couples, mais des couples plus longs. Parce que je suis bien. J'ai découvert qu'avec les 4 ans tout seul, j'étais tellement bien que j'ai beaucoup de misère. Je te dis, la mémoire m'agite encore aujourd'hui. Puis pourtant, j'étais en couple depuis 15 ans. Puis des fois, je me dis, mon Dieu, que j'étais bien dans ce temps-là. J'étais encore pognée dans ça des fois parce que j'ai aimé ça, être tout seul. Moi, c'est d'être en couple qui est difficile pour moi. Donc, la vie me met plus en couple que célibataire. Non, c'est ça, c'est que ça t'amène les forces, entre guillemets, t'amènent à travailler ce que tu as plus de difficultés. Oui, c'est un peu comme je disais en début tantôt, il y a des groupes, là, moi, d'aller dans des groupes, jamais tu m'as vu là-dedans, j'étais sociale au bout. Puis là, je suis avec une gang un petit peu plus, pas vraiment une gang, je dirais que c'est des gens qui se rencontrent. Mais je trouve ça génial d'être bien là-dedans, c'est la première fois de ma vie, puis j'ai 58 ans, tu sais. Je dis, bon, mais j'ai réglé quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est réglé, parce que j'ai plus cette crainte. J'ai pas de crainte, je suis pas mal. D'habitude, je n'ai mal. Le temps sacré mon cœur. Je ne sais pas pourquoi. Je suis contente de voir que c'est quelque chose que je suis capable de vivre. Parce que j'étais assez sauvage dans mon style, là. Exactement, mais pour ce qui est de la question du couple, parce qu'à un moment donné, on a eu un échange sur YouTube ensemble par rapport à un enregistrement que j'avais fait, puis Oui. tu mentionnais que tu avais déjà expérimenté le couple ouvert. Je pense que ça pourrait être intéressant d'élaborer un peu là-dessus. Le polyamour versus le polycule, excuse-moi. Ben, tu veux que je parle de cette expérience-là? Mais oui, bien sûr, j'étais en couple Oui. avec un homme d'origine. Ben, j'ai pas besoin de dire l'origine, on s'en crisse. Qui avait surtout le pénis actif, je dirais. Qui avait des besoins sexuels importants. Que je ne pouvais pas livrer. Puis que j'avais toujours eu cette. J'ai toujours dit aux hommes de ma vie que j'étais pas très libidinale. Mais lui, c'est devenu une souffrance. Fait qu'à un moment donné, ce qui était, on a pris qu'on, j'ai dit, OK, on va prendre une entente. Puis là, ben, l'entente, c'était que lui, il avait le goût d'aller voir ailleurs. Fait qu'il a dit, OK. Puis j'ai dit, moi, j'ai pas le goût d'aller voir ailleurs. Fait que l'entente était assez étrange, mais j'aurais pu lui dire, je vais ailleurs, là. Mais j'avais pas de désir pour quelqu'un d'autre. Ça, je dis, j'ai pas de libido très active. Moi, la libido, chez moi, c'est pas ça qui mène ma vie. C'est plus, moi, ça m'excite mentalement ou pas. C'est pas dans. Pas en bas que ça commence en haut. Bon, bref. Là, je dis, OK, moi, je vais prendre entente avec toi que tu peux aller voir ailleurs. Moi, je vais rester fidèle parce que je n'ai pas envie de d'autres choses s'il y a d'autres personnes. S'il y a d'autres personnes que je désire, je te ferai signe. Pour l'instant, ce n'est pas ça. Puis lui, j'ai dit, j'ai deux conditions, par exemple. Il dit, est-ce que tu es d'accord que tu mets des condoms? Parce que nous, on faisait l'amour sans condom, pour se protéger. Oui, OK. Puis j'ai dit, l'autre affaire, c'est la discrétion. Fait qu'on a ouvert notre couple à ça. Et ça a duré, je dirais peut-être 3 ans, à peu près tout ça, jusqu'à ce que je découvre que ça a dérapé d'aplomb. À un moment donné, ben en fait, j'achète la maison ici. C'est moi qui l'ai acheté avec mes affaires. Puis là, à un moment donné, on chicanait trop. Fait que j'ai dit, écoute, je pense que tu devrais peut-être aller vivre. Il était 8 ans plus jeune que moi, en plus. Fait que j'ai dit, peut-être tu devrais aller vivre en appartement. Un certain temps pour retrouver un peu ton. Parce qu'on s'était connus, il y avait 21 ans, puis moi 28, mais on a fait 12 ans ensemble. Hein. Fait que c'est quand même une bonne différence d'âge. J'ai dit, peut-être tu as besoin de vivre seul un peu, parce que maintenant tu gagnes ta vie. À 21 ans, c'était moins évident. J'ai dit, là, tu es autonome, tu as une job. Il était conseiller en placement financier. Puis il tripait fort. Fait qu'il dit, ouais, c'est une bonne idée, je pourrais aller vivre en appartement. Fait qu'il a fait ça. Mais 2 jours plus tard, quand j'ai appelé, j'ai une femme qui me répond. Et là, j'ai découvert le poteau rose. C'est là que j'ai compris qu'il y avait une autre femme dans sa vie depuis au moins un an et demi, qui était son assistante, avec qui il y avait une relation. Puis que quand il a déménagé en appartement, bien, elle est venue dormir là, puis c'est elle qui répond à son téléphone. Moi, j'ai été 12 ans avec lui, j'ai jamais répondu à son téléphone. Hein. Alors j'ai trouvé, c'est pour ça que j'ai compris que c'était quelqu'un qui était plus intime que juste une amante, là, une maîtresse de passage, parce que tu réponds pas au téléphone de quelqu'un que tu couches avec une fois de temps en temps, tu sais, quand même. Ou sinon, c'est une assistante personnelle très dévouée. Elle était très dévouée, même dans son lit. Alors, ben c'est ça, j'ai découvert tout ça. Là, c'est là que j'ai découvert la relation qui durait depuis longtemps. Puis moi, j'avais demandé à discrétion, comme discrétion, on repassera. Puis là, j'ai découvert la fille en la connaissant. J'ai dit, ah, mais c'est la même personne que j'avais qui j'étais allée au théâtre. Fait qu'il m'amenait dans des contextes avec elle en sachant. Eux, ils savaient ce qui se passait, mais moi, j'étais comme la nulle, la conne qui suit, là. J'étais pas de bonne humeur. Puis en plus, je me suis retrouvée avec un problème de maladie vénérienne. Alors, je ne l'ai pas aimé, puis ça a pris fin là, parce que ça a mis fin à notre relation complètement. Mais lui, en plus, quand là, c'est moi qui ai mis fin à la relation, j'ai dit, ben là, ça vient de s'arrêter là. J'ai plus. Moi, quelqu'un qui me ment, j'ai toujours dit, même à mes gars, jusqu'à présent, j'ai dit, je suis capable de dealer avec beaucoup de choses, les gars, mais pas le mensonge. C'est que sexuellement, mon partenaire ne voulait pas comprendre qu'il y a des choses qu'il faisait que j'aimais pas. Et je lui ai dit, c'est pas parce que je lui ai pas dit qu'il comprenait pas, c'est qu'il voulait pas comprendre. Parce que je parle très clair, d'habitude, je suis assez franche, même si je peux être, je suis pas toujours bête, là, je peux être très gentille, puis dire les choses. Mais il n'entendait pas. Donc, le désir, il l'a pas nourri non plus, là, t'sais, en faisant ça. Ça a éteint encore plus mon désir de sa personne. Mais, tu sais, dans un sens, est-ce que j'aurais dû partir pour ça? Moi, j'avais pas tant de besoin que ça de sexualité, mais lui, oui, fait que je pense que c'est lui qui aurait dû porter les culottes puis dire je m'en vais. C'est comme ça, c'est arrivé pareil. Ouais, c'est comme si ce qui devait arriver arrive, là. Oui, puis moi, je suis bien contente comment c'est arrivé parce que j'étais très crédule, parce qu'il y a vraiment eu un dérapage à tous les niveaux dans cette relation-là. Je sais pas si c'est associable au fait qu'on avait ouvert tout ça à l'astral, parce que le sexe et l'argent, je te l'ai dit, sexe, argent, c'est très astralisé, mais il y avait tout ça en danger aussi, parce que moi, quand le gars il est parti avec une autre femme, la maison ici est à mon nom, avec une entente financière que lui n'a pas respectée et notariée. Donc, il ne pouvait pas bloquer le mouvement parce que c'était notarié, mais je peux-tu te dire que j'ai mangé un char de merde pendant 2 ans, moi? Parce que dans le fond, il voulait pas payer sa juste part. Ben, non, il n'avait même pas payé. En fait, l'entente, c'est que j'avais pris entente sur papier, notarié, qu'il avait 3 ans pour mettre 35 000 $ parce que moi, j'avais mis 70 000 sur la maison. OK. Fait que j'ai dit, si je mets cash down de 70 000, c'est moi qui avais l'argent, mais lui, il avait l'idée. Moi, je n'étais pas capable d'acheter sans lui. Ça, je le reconnaissais. Parce que lui était habitué à des maisons à revenus, puis moi, je n'étais pas habituée à ça. Je viens un peu comme de la campagne, avec des maisons, des bungalows. Fait que moi, des maisons revenus, pas très habile avec ça dans ma tête. Je me suis dit, je ne serais pas capable de contenir ça toute seule. Fait que j'ai dit, OK, j'ai le cash, j'achète, je te mets propriétaire sur papier à condition du 35 000 dans 3 ans. Que tu as versé 35 000 en 3 ans. Il a versé 4 000 en 3 ans, puis il est parti. Puis quand il était parti, il voulait que je le reconnaisse comme s'il avait acheté la maison. Ben, il m'a traité de parvenu, de trou de cul, de tous les noms. C'est pour ça que je dis, j'étais crédule. Alors, j'ai mangé mes chaussettes et du gazon par la racine pendant un certain temps avant de comprendre ce qui se passe. Puis finalement, c'est mon esprit qui a un petit peu plus d'allure à un moment donné que j'ai fait, OK, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis ça m'a dit, tu rachètes sa part comme s'il avait payé. J'ai dit, c'est comme acheter à pain par en dedans. Puis là, ce que j'ai eu comme info, c'est non, tu rachètes sa part comme s'il avait investi parce que tu n'aurais pas acheté. Même si tu avais l'argent, tu n'avais pas l'énergie pour le faire. Ah, OK. Tu comprends? Oui. C'est ça, quand je te dis, quand on tombe du monde, on change de vibratoirement du monde astral vers le supramental, la donne n'est pas la même. Même mon comptable qui me dit, tu y dois rien. J'ai dit, je sais que j'y dois rien. J'ai les papiers de notarié qui disent que j'y dois rien. Mais moi, je considère que j'y dois quelque chose. Je l'aurais pas fait le move tout seul. C'est pas pareil. Dans le sens que c'est lui qui a initié le mouvement. Ben, c'est lui qui m'a permis. Moi, j'avais le cash, Oui. l'argent, mais lui, il avait eu l'idée. Puis c'était intelligent parce que jusqu'à présent, cette maison-là m'a contenu. J'ai payé cette maison-là 180 000. Présentement, elle est à 975 000 en passant. Wow! Oui, wow! Mais c'est parce que j'ai été capable de reconnaître ce qu'il a fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Son énergie, pas sa personne, son ego. Je ne dirais pas ce que j'en. Je dirais pas ce qui me vient à l'esprit, je vais faire une censure, mais il y avait un hostie d'ego de marde, n'a pas du gain très fort chez lui. Ce qui fait que j'ai racheté sa part, même s'il avait mis 4 000 ou 3 000-4 000, je ne me rappelle pas. Mon comptable, j'ai dit, calcule combien, si on se divorçait, là, officiellement, combien j'y devrais pour racheter ma part. Fait que j'ai redonné 30 000. Bye. Là, j'ai eu droit à un char de marde encore, mon ami. Pas à peu près. Parce qu'il voulait financer une autre maison avec la valeur de la maison ici. OK, vous voulez utiliser ça comme levier, puis, Comme mettons, la levier. réhypothéquer pour faire d'autres achats pour faire plus d'argent. C'est ça. Mais que moi, je sers de levier. J'ai dit, ben là, tu me prends pour la caisse de populaire d'Outremont, toi, là. J'ai dit, ben, je suis désolée de t'apprendre que ta part, c'est 30 000 que je te dois. Je te dis bonne fin de vie. Bye bye! Toujours été très en réaction, ben pas toujours, ça fait quand même 17 ans, mais on se parle plus à cause de ça parce que, ah oui, ben ça mal, j'ai fait des prévisions de sorcière en plus quand tu m'as envoyé chier, t'es une parvenue, t'es une trou de cul, papa, j'y donne 30 000, moi là, sur 3 000 investis 3 ans d'avant. Fait que ça a sorti assez bêtement, mais j'ai dit, toi là, tu jettes le bébé puis l'eau du bébé avec, check bien ça, mon calice. Dans 10 ans, t'as fait faillite, tabarnak, tellement t'es con. Ben, malheureusement pour lui, il a fait faillite. Ça a pris 12 ans. Il ne peut plus pratiquer à cause de cette faillite. Alors, c'est triste comme histoire, en réalité. Est-ce que je lui ai jeté un mauvais sort? J'ai lu son avenir, c'est pas pareil. Ben, c'est-à-dire que si la personne continue d'avoir le même comportement sur plusieurs années, ben c'est sûr que il va Ben, c'est avoir ça. un réajustement énergétique en lien avec ça, tu sais. Oui, mais le réajustement, il a coûté cher. Il peut même pas être conseiller en placement financier. Il a fait faillite. Tu peux pas faire faillite dans ce milieu-là. Ouais, non, là, c'est sûr que c'est lourd de conséquences. C'est ça. C'est ça. Mais il Mais y c'est avait son. peut-être quelque chose de lourd à son ego à ajuster. Ah, ça, c'est sûr. Ben, c'est un être en initiation aussi, hein, faut pas oublier ça, même si je dis des choses comme ça aujourd'hui, faut jamais oublier que c'est un être en initiation, sinon la loi astrale aurait marché pour lui, obligé. C'est ça que je dis. À un moment donné, quand tu changes quand le switch se fait de conscience, là, faut être bien alerte parce que le plan astral, comment ça marche versus le plan supramental, comment ça marche, les données sont pas les mêmes. L'intégrité au plan supramental est très importante. Tu peux pas fourrer quelqu'un. J'ai déjà dit à quelqu'un, fourrer un initié comme Daniel Bernard, ça coûte très cher et c'est pas une blague. Dans le C'est pas une sens blague. qu'il y a des retombées karmiques plus lourdes. Oh que si! Si tu payes cher, c'est fois 10. Fois 10. C'est triste, mais c'est ça. Mais en même temps, si c'est des initiés, ils vont le voir venir si la personne essaie de l'escroquer ou de la fourrer, tu sais. Pas nécessairement. OK. Je l'ai pas vu venir, moi. Ça, je dis, j'étais crédule. Ça dépend de l'ego que t'as. Tu peux être en initiation pour avoir un ego toton, ce que j'avais, d'ailleurs. Non, non, mais sérieux. Moi, j'étais, je sais pas comment dire ça. L'autre fois, quelqu'un m'a dit, ben, t'étais pas comme ça jeune, comme t'es là aujourd'hui. Je dis, non, je suis une construction, puis c'est vrai. J'étais complètement fine, douce. Oh, on me passait sur le corps, on me battait à l'école. J'étais pas ce que je suis aujourd'hui. Ça, je dis, je suis travaillée. Il y a quelque chose qui s'est travaillé à travers la 40, 40, 40 quelques années. Là. Parce que j'étais pas de même enfant. J'étais un enfant absorbant, douce, douce, très sensible, limite hypersensibilité. Non. OK, donc autrement dit, Crédule. les Oui. forces t'ont amené à brûler le côté naïf pour te faire vivre des montées au niveau du développement de la volonté, entre autres, là. Totalement, totalement. Oh oui. Brûler ça d'aplomb, mais avec, c'est ça, des expériences comme ça. Puis c'est ça a brûlé ma crédulité, Daniel. Puis j'ai eu un coach de vie, ça je dis. J'ai une chance, j'ai eu M. Ménard à l'époque. Moi, il m'a aidé à passer à travers ça, là. C'était quelque chose comme expérience. T'aides quelqu'un, moi je l'avais supporté, ce gars-là, je l'ai mis au monde. Là. Quand je l'ai connu à 21 ans, il n'y avait même pas un secondaire 1. Il a fini Daniel comme en place. Ménard? Hein? De qui tu parles? Je parle de mon ex-conjoint Ah, OK. qui tombait en faillite, mais à l'époque, je connaissais déjà Daniel Ménard comme coach, là, puis il nous a vus, lui, il a vu la rupture, il m'a accompagné dans la rupture. J'ai failli perdre ma santé mentale là-dedans, David. Là, c'était pas. Ça dérapait d'aplomb, là. Tu sais, un gars que tu as aimé pendant 12 ans, qui te traite de parvenu, de trou de cul, que tu as contenu, que tu as supporté, que tu as construit, ce gars-là, je l'ai mis au monde financièrement, là. Il est passé de rien du tout à conseiller en placement 300 000 par année. Moi, non, je Que je comprends. me suis soutenue financièrement. Moi, j'ai fait vivre des hommes dans ma vie. J'ai été yang, c'est ça que je te dis. J'ai connu l'inverse de ce que les femmes vivent. Puis c'est correct, aujourd'hui, ça m'a amené à l'autonomie. C'est ça que je te dis, autonomie financière totale. C'est grâce à ces mouvements-là. J'ai dit, hey, je suis capable de faire vivre du monde, je suis capable de me faire vivre moi, là. Ha! Non, exactement. Fait que la dépendance financière, elle s'est réglée là. Après ça a été la dépendance émotionnelle, mentale et compagnie. Mais je m'arrête là parce que l'histoire, c'est ça. C'est que ça a fini le dérapage dans le polyamour. Je pense que c'est pas une solution. Je pense pas que c'est une solution, mais c'est une expérience intéressante. Ben, dans le fond, ouais, c'est ça. C'est que aujourd'hui, c'est différent que dans le passé où ce que les gens étaient très monogames ou étaient plus rigides dans le couple. Fait qu'il y a des opportunités aujourd'hui qu'il n'y avait pas avant. Par contre, c'est sûr qu'il y a des limites par rapport à ça. Puis comme on s'est vu dans la discussion, tu m'avais confronté sur le fait, est-ce que tu peux réellement aimer plusieurs personnes en même temps? C'est une bonne confrontation parce que c'est vrai que aimer de cœur, là, dans une implication émotive, plusieurs personnes simultanément, non. Je pense pas, non. Je peux avoir de l'attrait sexuel pour plusieurs personnes en même temps. Ça, c'est clair, mais c'est pas pareil, c'est sûr, là. Puis moi, je te disais même là-dedans que même là-dedans, moi, je pense que l'homme peut avoir beaucoup de sexualité avec des femmes, mais je suis pas sûre que la femme est capable d'autant de sexualité que l'homme avec différents hommes. Je l'ai expérimenté personnellement et moi, je me suis que plus jeune, hein, OK. je n'ai pas toujours été en couple. De 18 à 25 ans, j'étais assez libre. Puis je peux te dire que je sentais que ça me dévitalisait. Les polyamants. OK. Au lieu de me donner du gaz, ça me vidait de mon gaz. J'ai même dit un jour à une de mes amies, que je me fais violence à baiser de même avec tout le monde, avec qui j'ai envie de baiser le premier soir. C'est une forme de violence que je me faisais à moi-même. Je m'en rendais même pas compte. Puis à un moment donné, je m'en suis rendu compte la vingtaine. J'ai arrêté ça. Ça me tentait plus. Fait que je suis pas sûre que l'homme vit ça de même, puis la femme de la même façon, ça je te disais. Ben, peut-être que les jeunes d'aujourd'hui vivent plus de sexe, mais moi, ils vivent pas plus d'amour, je suis désolée, ils vivent juste plus de sexe. C'est pas pareil, là. Mélangeons pas sexe et amour, s'il vous plaît. C'est pas deux synonymes, Chris. Mais c'est facile, il y a beaucoup des gens en mentalité populaire vont mélanger les deux, tu sais. Ah oui, puis j'entends même du monde qui pense que s'il n'y a pas de sexe, il n'y a pas d'amour. Bullshit! C'est pas réel, ça. Il y a du monde qui. J'ai un couple d'amis, moi, qui ont plus de sexe, puis ils s'aiment en masse. Puis les deux ont plus de désir. Mais ils s'aiment pareil, c'est quoi l'idée? Pas obligé de baiser pour avoir du fun dans la vie, là. Non, Ben. exactement, mais là, s'il n'y a plus de sexe. Puis il y a dans le fond, il y a de l'amour, mais c'est parce que des fois, ça devient plus de l'amitié. Ben, c'est ça, l'amour. Le vrai couple, c'est l'amitié. Entre autres. Bien mieux être en couple avec un ami qu'avec un gars qui je mouille dessus puis qui 2 ans après me crisse là. Non, non, Ha! ouais. C'est une grossièreté, mais très intéressant. Ben, je suis pas loin d'une certaine réalité, David, quand je dis ça. C'est parce que les gens mesurent l'amour à leur bandinette ou au fait de mouiller. Ben non, ça ne marche pas de main. T'as beau bander bien dur, ça ne veut pas dire que tu es en amour. Ça veut dire que tu désires la personne. C'est la colle. Mais la colle, ça fait pas de. Ça prend une colle pour tirer un couple. Là, t'sais. À un moment donné, ça prend un minimum de colle. T'sais. Faut que t'essayes au moins d'avoir. Faut que t'aies au moins un désir pour la personne de partir quelque chose. Mais de là à mélanger sexualité et amour, là, wow. Non. J'suis pas là, je mélange. Pour moi, c'est deux fonctions différentes ou Ouais. complémentaires. Ou que le sexe amène à l'amour, mais je pense pas qu'il faut mélanger tout ça. Là. Ben, tout ça, c'est subtil parce que l'activité sexuelle peut amener une forme d'attachement amoureux, dans le sens que quand que tu le fais, tu as envie de le reproduire. Ça, c'est l'acte de reproduction. Puis ça occasionne la sécrétion, entre autres, d'hormones dans le cerveau qui favorisent l'attachement, comme l'ocytocine. Ouais, mais ça, c'est parce que t'es un homme et t'as pas de ménopause. Puis là, en passant, là, on va parler de ménopause, on va en Oui. parler, là, je suis dedans. Puis c'est pas vrai que dans la période de ménopause, que toutes les femmes ont envie, il y a encore plein de femmes qui ont besoin de faire l'amour. Non. Premièrement, il faut comprendre que la ménopause, c'est un changement hormonal chez les femmes que toutes les femmes subissent, sans exception, peu importe l'âge à laquelle ça arrive, où les parois et tout ce qui est paroi s'assèchent. Le vagin est une paroi. Hein? Ouais. Alors, c'est sûr que tu peux avoir ton imaginaire sexuel pareil, là. Moi, je peux avoir un désir dans ma tête de faire l'amour, puis en bas, ça ne correspond à rien pantoute. C'est ça que je voulais parler l'autre fois, puis j'en parle ouvertement parce que je trouve que c'est un sujet tabou. Les femmes qui sont en ménopause, après la ménopause, il peut y avoir d'autres changements hormonaux. Je ne suis pas rendue là, moi je suis juste dans la ménopause. J'ai été ménopausée il y a à peine 2 ans, à 56 ans, assez tard. Ce qui fait qu'il y a une sécheresse des parois vaginales, la paroi vaginale, clairement, là, tu sais, c'est pas que j'ai un blocage psychologique, là, c'est physiologique. À ça, il y a des correspondances, genre, tu peux aller chercher des petites crèmes à base d'hydrogène. C'est drôle. À base d'estrogène, ou tu peux mettre des huiles, lubrifier le vagin, mais ça ne fait pas un imaginaire sexuel, ça, là. Ce que je veux dire, c'est que le sexe, ça part entre les deux oreilles, avant tout. Bien, ça, c'est pour la femme. Pour l'homme, c'est une autre affaire, comme dirait le Doc Mayou. Bon, ben, je suis assez d'accord avec toi, c'est ça. Pour moi, je pense que la femme, elle allume en haut. Mais maintenant, même si j'allume en haut, ça ne passe pas nécessairement en bas, c'est ça que je veux dire. Oui, non, je comprends. Il y a la mécanique aussi qu'il faut qu'elle suive, là. C'est ça. Fait que, puis là, maintenant, ben, je n'ai même plus d'imaginaire sexuel. Là, c'est à quoi c'est dû? On verra, là. Je pourrais en parler, mais hors d'onde. Mais puis j'ai un couple pareil. Puis j'en parle avec mon conjoint. On est ouvert là-dessus. Puis lui, il a des besoins. Mais je peux, parce que je l'aime, je suis capable de lui donner une certaine satisfaction sexuelle, pareil, mais ça ne répond pas à son besoin qui serait, lui, mettons, une fois par semaine, puis moi, je suis une fois par 2 mois, là. Fait que, tu sais, c'est là que le couple est testé aussi présentement. Nous, on est testé clairement là-dessus, puis on s'en parle, puis il y a une ouverture, puis il y a d'autres choses qui rentrent. C'est pour ça que je te parle d'amour, parce que là, le sexe nous lâche me lâche vraiment. Qu'est-ce qui va passer? On passe-tu à travers ou pas? Je sais pas, on verra. Je te raconterai la suite dans quelques temps. Tu sais, c'est ça le couple aussi d'alliance. On devient des amis puis des compagnons. La sexualité prend une autre dynamique, là. Non, je comprends. C'est sûr qu'il y a le phénomène d'alliance psychique, mais en même temps, si lui, il n'est pas satisfait sexuellement, est-ce que toi, tu vas lui permettre qu'il aille voir ailleurs ou non, ou tu sais? On est là-dedans, là, on en parle. Je ne sais pas encore. J'ai dit non première fois, après ça j'ai dit oui, puis là je sais plus. J'ai dit, là. Je suis ambiguë un petit peu, je suis pris dans les polarités. Ben, quand j'ai dit non, c'est la crainte de ce qui s'est passé qui se reproduit. Après ça, j'ai dit OK, parce que là j'ai vu la crainte. J'ai dit, je vais aller dans l'autre côté. Pardon, il disait tout le temps, allez à l'opposé de vos peurs. Ben, on va de l'autre bord. J'ai dit OK, vas-y. Puis là je sais plus. J'ai dit aujourd'hui, c'est hier même, on en parlait, j'ai dit, je ne sais plus, sais-tu? Fait que lui, il me répond, on s'en fout. On verra. Puis il dit, j'ai la main droite très, très efficace. Oui, c'est sûr qu'il peut se prendre en main. C'est ce qu'il dit. Il dit qu'il se prend en Mais main, que sa main droite est très c'est efficace. ça, mais est-ce que ça va être une Non. satisfaction, voyons, une solution satisfaisante pour lui à long terme? Je ne sais pas. On n'est pas. C'est récent. Fait que c'est ça que je dis, je ne sais pas. Faudrait que je lui demande. Je vais lui demander, je te reviendrai sur le sujet. C'est sûr que c'est un sujet qui demande beaucoup de doigté, hein, se prendre en main. Non, non, nous, on est très doués dans ce sens du mot. Mais on parle de ça assez facilement, lui et moi. Il n'y a pas de. On est très. Ça fait 15 ans qu'on se côtoie. Hein, fait que c'est facile comme parler de ça entre nous. Mais c'est juste que moi, j'ai un homme qui parle peu. Dans le sens que. Taille, comment dirais-je? Lui, il va dire, on verra. C'est ça. Là, c'est pas là pour lui, fait que tu sais. Lui, sa main droite le satisfait pour l'instant. Mais je pense que s'il a à vivre quelque chose, il va le vivre. C'est pas un gars, il est pas religieux, hein. C'est pas un gars bloqué non plus. Fait que je pense que s'il a envie d'une autre femme, il va y aller. Ouais, mais dans le respect par rapport à toi, tu sais, à savoir est-ce qu'il va vers une autre femme d'une manière dissimulée ou en transparence? Je sais pas, je dirais, je pense pas qu'il va me le dire avant. Et je pense qu'il va le dire après. OK. Il est assez, jusqu'à présent, sur Mais c'est parce 15 que ans. s'il le dit après, c'est comme une forme de tromperie, non? Non, non, non. Non, je vois plus ça de même. OK. Ben, premièrement, on n'a jamais pris d'entente monogame ni polygame. On ne s'est OK. jamais entendu sur la question, on n'a jamais parlé. Ah Non, mais dans ça, on n'a jamais senti le besoin, David. bon? OK. C'est chose que j'ai déjà senti dans mon autre couple, mais avec lui, non. C'est juste que l'autre, puis à peu près 3-4 mois, il m'a dit, ah, oh, ça te dérangerait-tu si j'avais une aventure? C'est lui qui a ouvert la porte. Puis là, j'ai fait, ah, oh, oui, ça me dérangerait, parce que là, j'avais la mémoire de l'ancienne relation. Puis après ça, j'ai dit, bah, après réflexion, non, peut-être pas. Puis là, ben, je sais plus, effectivement. Mais je pense que lui, il a un besoin, s'il l'exprime. En me demandant ça, c'est comme s'il me dit, je commence à avoir des besoins, tu sais. Non, exactement. Moi, j'ai l'impression qu'il essaie de préparer le terrain, là. Ben, si c'est ça, je vais lui dire, vas-y. Moi, je retiens jamais personne de. Jamais. Fait qu'autrement dit, tu es en train de me dire que tu serais prête à vivre le polyamour. Non, je suis prête à vivre, qu'il aille voir ailleurs, voir qu'est-ce qui va arriver. Non, mais je veux dire, tu es prête à ce qu'il y ait un couple ouvert. Oui, OK, dans OK. ce sens-là, Oui. oui. OK. Je sais pas que je suis ouverte au polyamour ou pas, c'est que je me dis que s'il a besoin de quelque chose puis d'aller voir ailleurs ou d'aller faire ses affaires, qui suis-je pour l'empêcher? Même si je dirais non, ça changerait quoi? Exactement, c'est que s'il y a vraiment vibration de ça, ça va se faire pareil, là. Oui, puis si je dis non, tout ce qu'il va faire, c'est se sentir coupable. Ça me Exact. donne absolument rien. Moi, je déteste la culpabilité. J'essaie de ne pas culpabiliser personne dans la vie. Fait que, j'essaie. Je ne suis pas toujours capable, mais j'essaie. Fait que non, je sais pas. C'est drôle, c'est pas quelque chose qui me stresse bien, bien. Je laisse la vie décider, rendu là. Fait que, on Non, verra la suite de l'histoire. Ouais, exactement. Mais c'est intéressant que. Je ne crois pas que le couple survivrait à ça, par exemple. C'est ma perception. Je pense que s'il restait dans le polyamour, éventuellement, la relation prendrait fin. OK. Mais est-ce que Pourquoi? tu. Je ne sais pas, je dis ça. OK, Je dis ça OK. de même, mais je ne sais pas pourquoi. Oui, OK. vas-y. Mais tu lui permettrais à ce moment-là ou non de faire une exploration passagère? Oui, il peut faire tout ce qu'il veut. OK. Je ne pense pas que ça serait passager, le connaissant. Je crois que s'il va vers une autre femme, si ça dure un certain temps, je pense que ce serait sa prochaine femme. C'est pas un homme de plusieurs femmes, c'est ça. Il faut connaître le personnage, là. Tu ne l'as pas croisé encore, mais quand tu vas le croiser, tu vas comprendre. C'est un samouraï combiné avec un moine tibétain de mémoire, ça, là. Fait que c'est très, très engagé envers une personne à la fois. OK. Pour ça, je dis que s'il va ailleurs, il explore ailleurs, puis qu'il reste, il compte une fois, c'est à faire l'amour de temps en temps, une fois par hasard avec une femme que tu as désirée ce soir-là, c'est une chose. Mais mettons qu'il y a un lien qui se créerait en termes d'amant, polyamour, pour moi, ça sous-tend une fréquentation sur une certaine base, là, un certain temps, comme maîtresse ou amante. Moi, je pense qu'il irait vers elle dans le temps. Ça va être la fin de notre relation amoureuse. OK, je comprends ce que tu veux dire. De par le personnage qu'il est, c'est ça que je veux dire, mais tout. Je peux être surprise. Je ne sais pas. Je pense pas qu'il y ait le caractère pour entretenir longtemps des relations comme ça. Ou sinon, sans parler de relation, dans le fond, si, admettons, quelqu'un va aux masseuses érotiques. Ça me dérange pas. OK. Moi qui ai des amantes passagères, ça me dérangerait même pas, David. OK. Je m'en sac. Ça ne me concerne pas. La seule affaire qui me concerne, c'est que je ne veux pas avoir ton pénis dans mon vagin si tu t'es pas protégé. C'est plate à dire, là, mais c'est aussi carré que ça. Je veux juste pas avoir de maladie. Le reste, ça ne me concerne pas. Puis si tu es avec moi, c'est parce que tu es encore bien. Sinon, c'est avec ton cœur, c'est tout. T'sais. Non, non, ben c'est bien correct de dire les choses d'une manière directe, tu sais. Ben, c'est ça. C'est clair de même entre nous. Lui, s'il est avec moi, c'est parce qu'il m'aime encore, sinon il ne serait plus là. Des fois, j'y demande. C'est parce que, vive, moi, c'est un homme qui dit rien en passant. Quand je dis rien, c'est rien. Jamais il me trouve belle, jamais il me dit porte telle affaire, jamais il va me dire telle affaire. Jamais. Ça n'existe pas. Non. C'est intéressant de vivre avec quelqu'un de même, puis en même temps, ça peut être très appauvrissant pour certaines personnes, parce qu'il y en a qui ont besoin de se sentir belle. Je le sais, s'il me désire, il me le fait savoir à sa façon, d'une autre façon. Mais vivre avec un homme comme lui, c'est vivre assez dénudé dans le rapport. Il n'y a pas beaucoup de complaisance. Ce n'est pas un homme qui fait des compliments non plus. Fait, là, j'ai perdu le fil en crème. Ben, ramène-moi, monsieur David. Non, non, il y a aucun problème, mon homme. Mais le point, c'est que lui, il va pas, c'est ça, chercher à faire de la complaisance puis dire tout le temps des compliments. De toute façon, ça te garderait dans une dynamique de l'âme si ça serait ainsi. Ouais, mais c'est pas son genre ni sa façon d'être, faut ça je dis ça. Fait que... Mais c'est pas un homme facile de vivre avec, fait que je suis pas si sûre que ça, il trouverait si facilement quelqu'un d'autre. Parce que je te le dis, c'est pas simple. Vas-y, toi, t'essaieras ça. Les femmes disent ça. Moi, ça m'a libérée de beaucoup de choses. Mais un homme qui dit jamais à sa femme qu'elle trouve intéressante, jamais j'ai entendu ça de la bouche de taille. Jamais il va dire oh, t'es donc bien belle quand tu portes ça. Ah, porte donc telle affaire, j'aimerais ça. J'entends jamais de choses comme ça. Il me critique jamais non plus. Ça aussi, c'est le côté positif, c'est ça, c'est que jamais il va me dire ah, fais chier quand tu fais ça. Ou pourquoi tu dis telle affaire, ça va te dire, jamais. Ah, ben, c'est intéressant ce que je capte mentalement, c'est qu'il est plus dans la neutralité. Oui. C'est un être très, très refroidi. J'ai dit ça à quelqu'un l'autre fois. C'est un être très refroidi, mon chum. Fait que pour quelqu'un qui a besoin de se sentir aimé, apprécié, désiré, la folie la guette, là. D'ailleurs, l'ex-conjoint de taille qui a eu des enfants souffre de maladie mentale aujourd'hui. Et il n'est pas exclu du processus, tu sais. Est devenue malade avec lui, en bon sens. Et moi, je peux comprendre pourquoi qu'elle est devenue malade. Parce qu'il est froid. Ça peut rendre fou quelqu'un qui a besoin de chaleur. Moi, je suis peut-être pas trop. Ben, peut-être que tu vis plus à l'esprit que son ancienne conjointe, ce qui fait que Exact, tu c'est peux ça. être plus à l'aise avec cette dynamique-là qu'elle. Oui, puis je dis ça avec beaucoup de délicatesse que je dis là. Je dis pas que. C'est pas. C'est un événement qui est devenu. Puis Ménard m'avait dit dans le temps. Ouais, mais il est responsable de la maladie de sa femme. Moi, j'ai dit, ben là, tu le culpabilises au bout. C'est quoi l'idée si on n'a pas tenu un plan de vie? C'est un plan de vie qui s'exécute. On avait parlé de ça parce qu'il est pas, il était avec elle quand elle est tombée. Elle avait déjà cette faiblesse-là, c'est clair. Elle a juste platement pas eu le bon, peut-être pas eu le choix. On n'a pas le choix, là, mais elle est tombée sur un gars tellement refroidi que quand lui, elle a eu besoin de lui, elle n'a pas été capable de l'exprimer. Mais moi, je suis capable d'exprimer. Ce qui fait que moi, si mon chum, j'ai besoin de lui, je dis hey, youhou, je suis pas une cactus, je suis pas une plante verte, j'ai besoin d'eau. Fait qu'il comprend, mon conjoint, il n'est pas con, là, mais il comprend. Puis là, il dit ah oui, tu as besoin de quoi? J'ai besoin de câlin. Prends-moi dans tes bras, ça presse. Ou je suis capable d'exprimer ça, C'est moi, quand ça, ça mais toi, tu m'arrive. es une femme qui est quand même assez affirmée. C'est ça. Tant Ben, tu... j'ai dû m'affirmer C'est ça, dans tu as la vie. développé ça au fil de ta vie, là. C'est Ça, ça. je le comprends, mais c'est intéressant ce que tu parles parce que quelqu'un qui développe une conscience plus mentale, plus neutre, plus en contact avec l'esprit, va être moins porté à faire des compliments ou nourrir la dynamique de l'âme. Totalement. Fait que Oui, c'est sûr très que important. c'est intéressant à aborder parce que ça me fait penser à un de mes amis que lui, il y a des femmes qui l'approchent, puis eux autres, ils vivent beaucoup à l'âme. Fait qu'ils ont l'enthousiasme, il y a l'aspect dépressif ensuite, tandis que lui, il est comme tout neutre pendant cette période-là. C'est comme la femme à un moment donné, elle sature parce que lui, il donne pas au niveau âme émotionnelle ce qu'elle veut. Ouais. Fait que la fille s'auto-comme élimine de son environnement. Autrement dit, elle l'approche de manière passionnée, puis elle pense comment elle va le changer, puis tu sais. Puis Exact. lui, il change pas, il reste comme un poteau de glace. Puis finalement, la fille qui était autant qu'elle pouvait être passionnée, autant elle est désillusionnée, puis lui, il continue à faire ce qu'il a à faire. Mais c'est que les rapports homme-femme, puis les rapports de couple, tout ça, c'est chambardé là, par rapport à la froideur de l'esprit qui se développe pour cette certaine personne, là. Ouais, ben, c'est important. Je pense que là, on vient de toucher quelque chose de pas mal de fun. Dans... C'est exactement ça. C'est que moi, j'étais déjà refroidie quand je l'ai croisé. J'avais 42 ans. Fait que ça m'a pas énervé trop, monsieur Samouraï, là. Mais quelqu'un qui est chaud, là, puis qui a besoin, puis que c'est parce que lui, il est rassurant. Il faut quand même voir que ça peut être attirant pour une âme qui a besoin de sécurité. Il est très, très. Tu vas voir, tu vas sûrement le croiser un jour. Tu vas voir, il est très droit. Il est fiable, tu le sens ancré, tu le sens dans ses affaires, il est très refroidi et protecteur. Il est très protecteur, c'est un Verseau. Donc, puis humaniste en même temps. Il y a un sourire d'enfant, là. Quand il te sourit, tu fonds, là. Mais moi, j'étais refroidie déjà, puis j'étais tombée, tu sais, j'avais réglé pas mal d'affaires, ça avait brûlé pas mal de choses dans mon être. Puis en plus, je te l'ai dit, j'étais pas très libidinale, donc j'étais déjà moins, je suis venue au monde demain probablement, j'étais déjà moins vulnérable que bien des gens qui sont très sexuels. J'ai eu une amie, moi, qui a eu 300-400 amants dans sa vie parce qu'elle cherchait l'homme de sa vie, là. Elle était capable de répondre à ça, moi, 300-400 amants, je n'ai eu 15, c'est beau, là. Faut que tu livres la marchandise, 300-400, coûte bien. C'est quelque chose pour moi. Mais c'était comme ça pour elle, puis moi, c'est d'autres choses. Fait qu'il faut être refroidi pour être avec des êtres refroidis un petit peu. Sinon, tu vires fou, puis c'est ça, je dis, ça c'est arrivé dans sa vie à lui. Sa conjointe a perdu contenance carrément, puis elle avait accouché de deux enfants en ligne en plus, écoute. Mais il est très refroidi. Même des fois, je me souviens quand les enfants étaient plus jeunes, c'est moi qui allais défendre les enfants à l'école parce que lui, il disait, ils n'ont rien qu'à appeler la police. Puis moi, je riais. Quand t'arrives, ben oui, je vois ça à 10 ans, appeler la police. Voyons, taille. On peut appeler la police à 10 ans. Lui, dans sa tête, ils ont rien qu'à appeler la police. Ben, là, il disait, ah ouais, c'est vrai, hein. Quelle réponse. J'étais comme, mou. Mais c'est parce qu'il vit d'autres, il est dans un autre dimanche, il est frette de plus. Non, de ce que je capte par rapport à lui, il est plus dans le détachement. Complètement. Tu sais, il est pas dans l'hystérie émotive. Ah, les enfants, ils arrivent à l'affaire, puis ils se mettent à pleurer, puis de. Ouais. Non, non, moi, ça m'a un petit peu, les enfants, l'éducation, ça m'a ramené un peu dans l'âme, dans cette période-là, pas mal. Là, j'en ressors, parce que j'ai été 15 ans, mais il a fallu. Tu sais, quand tu élèves des enfants, il faut que tu acceptes d'être touché par ces dynamiques-là. C'est ça que moi, je trouve que la vie m'a gâtée parce que quand les enfants sont arrivés dans ma vie vers la quarantaine, comme je t'ai dit, j'étais devenue assez noir et blanc, là, j'étais mentale au bout. Puis ça m'a fait redescendre par en bas, mais connecter avec ce qui me bitchait par en dessous. Je sais pas si tu comprends l'idée, là. Moi, je vivais sur deux plans à 40 ans. Le mental bien refroidi, puis le corps émotionnel, l'ego continuait à râper en dessous, mais je m'en rendais plus compte. Parce que les événements de la vie faisaient que je m'en rendais compte, mais moi, mon mental, ça allait toujours bien, j'étais toujours de bonne humeur. J'étais super en forme. Nous, toute la vie était simple. Là. Dans le mental, c'est simple. Mais là, il a fallu que je redescende avec les enfants, cette approche-là. Et là, j'ai fait un lien entre le mental puis le corps émotionnel. Puis je me souviens, j'en parlais avec Daniel, je dis, je redescends en bas, puis il me dit, bonne chance! Il dit, c'est quelque chose d'important ce que tu fais, mais bonne chance, c'est quelque chose. Puis moi, c'est l'éducation des enfants qui m'a ramené en bas, puis j'ai réglé encore plus de choses rendues en bas avec mon mental. Un mental solide qui règle dans l'astral, là, ça développe de l'autorité. C'est là que j'ai développé de l'autorité dans l'astral. Ben oui, parce que dans le fond, ça t'a amené à ajuster l'astral à travers les rapports avec les enfants que tu as ajustés. Exact. Puis ça m'a fait vivre bien des affaires, mais c'est merveilleux aujourd'hui. Libre. Puis ça fait des beaux garçons. En pleine forme. C'était vraiment une belle expérience ces 15 dernières années. Que je sors, là, je sors de ça. Là, puis ils sont rendus grands, 19-21, maman, c'est fini. Là. Maman 2, que je dis, parce qu'il y a deux mères. Ils ont deux mères. Maman, ils ont maman qui est toujours, qui vit à Sherbrooke, puis qui voit ses enfants encore, puis ils ont moi. Puis là, je dis, ben là, maman 2, là, a fini son rôle. Là, c'est mon nom. Il faut que je me dégage. Fait que là, ils me ramènent à l'ordre des fois. Là, t'es pas mal maman qu'on trouve. Ils me disent, OK, les boys, je recule. Parce que c'est une réadaptation, tu sais. Ouais, mais c'est de changer de rapport, renégocier le rôle. Oui, puis c'est lui job. C'est ça que je dis. Là, je dis, c'est votre job de me ramener à l'ordre. Je lui passe la commande. Je dis, moi, maman, Mona va déraper. Fait que ramenez-moi. Fait qu'il me ramène. Ah, c'est pas mal maman, là. Tu t'inquiètes. Tu fais maman, là. Là, tu fais maman, là. OK, je vais devenir Mona. Puis maintenant, ça va mieux un petit peu depuis quelques mois, là. Puis mon plus jeune, il me dit, l'autre fois, il dit, Mona, je m'en vais, je peux-tu aller faire telle affaire? Je dis, ben voyons, depuis quand tu me demandes la permission? T'es pas devenu un homme, toi? Il est parti à rire. Il dit, ah oui, c'est vrai. Je t'informe que je m'en vais là. Oui, je dis, c'est bien. Parfait, chérie. Fais-nous signe que tu es environ du là-bas. C'est Je dis, intéressant, fait que t'amènes à horizontaliser la relation. oui, je veux devenir leur ami. Ouais, c'est ça, fait que tu passes à l'alliance psychique, puis en même Exact. temps, tu as simultanément horizontalisé la relation avec ton propre esprit. Ah oui, en même temps, c'est drôle que tu dis ça, c'est vrai, c'est un lien. Mais je veux juste qu'on devienne. Moi, je veux devenir l'ami parce que le rôle est terminé de mère et j'en suis consciente. Ça faisait juste des tensions quand j'ai pas. Tant que je comprenais pas, là, pendant un an, ça faisait des grosses tensions dans ma relation avec les gars parce qu'ils me trouvaient envahissante, parce que j'étais trop maman, là. Puis eux autres, ils vieillissaient. Fait qu'à un moment donné, je l'ai vu. Puis là, j'ai dit, OK, vous êtes devenus des hommes, des jeunes hommes, mais bon, des hommes quand même. Fait que je dis, on va changer la dynamique, puis là, vous allez m'aider. Parce que c'est vous qui faites, ça vous fait chier, vous autres? Ben, faites-moi ça. Exactement. Fait que là, t'es amène à monter dans l'intégration du principe de la volonté. Oui, te dire les choses aussi, David. Dire. Tu sais, ça les oblige. C'est des petits gars. Des gars, là, ça parle pas facile, hein? Dire les choses. Quand je te fais chier, c'est ta responsabilité de me le dire, mon garçon. Moi, là, je suis juste moi. Je ne veux pas lire dans tes pensées, puis je suis pas dans tes culottes, puis je sais pas ce que tu ressens. Exact. Assume-toi. Fait que Fait t'es que amène à s'affirmer. c'est ça. Exact. En horizontalisant, ça les oblige à affirmer eux autres. Imagine comment c'est merveilleusement intelligent. Puis on peut faire le parallèle dans le processus de l'individu avec les plans, dans le sens que quand la personne devient adulte sur le plan psychique en développant son identité, ben il faut que la relation soit harmonisée avec les plans, puis c'est plus Dieu le Père, Non. c'est l'esprit qui est égal avec toi, là, tu sais. T'es plus l'enfant de Dieu, Christ, t'es l'égal de Dieu ou de De l'esprit, ouais. Dieu. C'est toi et Dieu. Ça va encore mieux. Exactement. C'est nous, Dieu. On peut finir là-dessus, hein, David? Il est déjà 5 heures. Oui, certainement. Incroyable. Quelle heure qu'on a commencé? Je m'en rappelle plus. Mais cette partie-là est le fun. C'est intéressant, ça. Oui, De... exactement. Fait que, ben écoute, ça a été un grand plaisir de discuter de nouveau avec toi, Mona. C'est toujours un plaisir, cher David. Jusqu'à ce qu'elle soit plus. Non, je blague, c'est là. Non, mais ça, j'ai dit toujours. Tu vois, ça m'a ajusté instantanément. C'est Regarde, mais intéressant. c'est toujours un plaisir. Puis là, par en dedans, ça dit, hey, toujours, oublie ça. Oui, exactement, parce qu'après tout, dans le fond, dans l'esprit, il n'y a pas de généralité. T'sais. Tu ne peux pas Ça. dire, je veux toujours parler à cette personne-là. C'est dans le temps que tu as la vibration. Puis à un moment donné, si on n'a plus la vibration, je veux se parler, on ne se parle plus, mais c'est C'est ça. vibratoire. Ouais. Exactement. Ben, merci de cet échange vibratoire avec toi, David. C'est un plaisir. Et donc, écoute, ben, je À te dis bientôt. à bientôt, si on en a la vibration. À bientôt si on arrive à se rappeler qu'on existe. Bye. Bon, Bye ben, c'est parfait, Mona. Bye bye. bye.